Il y a un moment, sincèrement, je pourrais pas te dire les dates, mais il y a un petit moment. Et t'as une histoire avec une femme mariée, son mari était d'accord. Elle avait quel âge, cette femme mariée? Toi, t'as 22 ans. 20 et quelques années, ouais. Non, ouais, je sais plus exactement, mais 20 et quelques années, ouais. Ah ouais, à peu près le même âge, qu'on va dire. Jérémy, 30 ans, de Fretin. Bonsoir à toi, Jérémy de Fretin. Salut, mec. Dans le Nord, dans le 59. Vous allez faire papa ? Enchanté, en tout cas, merci d'appeler. Je suis couché, moi. On est au bout du rouleau. Je suis couché. Jérémy, c'est le mot, je suis allongé. Ah ouais, ça nous a mis une claque. Ah là, alors vraiment, je voyage, là, je voyage dans l'espace. Je vais m'écouter la musique d'Apollo 8 que je vais chier parce que. Je vais aux toilettes et je vais mettre. Attends, je vais mettre. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, mais t'as, qu'est-ce qu'on aura fait que connerie ici quand même? C'est un petit caca pour le monde. Il y en a plein qui m'envoient les trucs, les mecs. Bon, merci les potes. Alors, donc, on en était où? Jérémy, t'as 30 ans, tu fais quoi dans la vie? Je suis routier. T'es routier, bah salut routier. Bonne route. Pas de problème, salut routier. C'est bon, j'ai fini là. D'accord, eh ben, salut le routier. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Jérémy? Non, bah moi, c'était pour réagir un peu. Voilà, moi, j'ai un peu le. Moi, j'étais le partenaire, en fait. J'étais pas le mec qui regarde, j'étais le partenaire de la fille. Mais c'était un peu plus poussé que. Nicolas, je crois, c'est pas ça? Ouais, il y a Nico. Nico qui a filmé, ouais. Ouais, voilà, bah moi, en fait, j'étais le partenaire de la fille. Et c'est un peu un délire condoliste qu'il a. Non, y a un... Qu'est-ce que ça veut dire condoliste? Bah c'est beaucoup juste voyeur. Ouais voilà, c'est beaucoup voyeur et bah c'est il aime bien voir sa femme prendre du plaisir, tout ça, s'extasier avec d'autres partenaires quoi. Ah, c'est génial. Ouais, pas avec lui. Ah, s'il y a des couples condolistes qui nous écoutent. Le condolisme. Venez réagir. C'est de la nourriture qui se mange à petite dose. Une cuillère, c'est l'équivalent de 3 repas. Non, parce qu'on a. Ah bah là. Chie pas des comètes dans les fesses de l'un. Salut. Le remède, c'est de regarder les chiffres et les lettres. Ça fait chier tout le monde. Merci. Merci pour les messages. Le mec dit que vous avez bouffé 4 fois trop de doses. Ah oui, peut-être, ouais. Merci beaucoup. Ouais, peut-être, c'est vrai. Non, peut-être qu'on a mangé 4 fois trop. Bah non. Et si, parce qu'il y a de la nourriture comme ça qui est ultra protéinée. Du coup, non, mais là, je pense pas, on a quasiment rien bouffé. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment quasiment rien mangé. Et donc, toi, Jérémy, alors, qu'est-ce que t'as fait exactement à l'époque? Bah, donc, bah voilà, bah, je suis encore en contact avec eux, en fait. Tu vois, on a pris contact la première fois il y a déjà un an. Donc, en fait, t'as couché avec un couple, en gros? Oui, voilà. Mais juste sa femme, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, bah voilà, on a entretenu une relation, donc une relation condoliste. Et ce qui se passe, c'est que moi, c'était beaucoup chez eux, quoi. On a vraiment fait, genre moi, quand j'arrive chez eux, ça y est, c'est ma femme à moi, tu vois. Et tu prends la place, quoi. Ouais, voilà. Et lui, ça devient le pote. Tu vois. Oh là là! Ah, t'échanges les rôles? Putain, c'est bizarre! Ouais, c'est développé, voilà. Et genre, tu dis, viens chérie, on va se coucher et tout ça, viens, on va faire l'amour et tout? Tu dis, je t'aime? Ouais, direct, ouais. Bah, je commence à la caresser un peu, tout ça. Et puis, bah, après, nous, on est partis, on a fait des tests, enfin, tu vois, ensemble. Après, on est partis sur sans capote, tout ça. Mais on a entretenu vraiment une vraie relation, quoi. Putain, c'est dingue! Et tu faisais confiance, hein, pour coucher sans capote. Bah, ouais. Ah ouais, non, bah, ouais, carrément. Mais bah, maintenant, ça y est, on est vraiment, vraiment amis, quoi. Mais c'est bizarre, du coup, tu fais un peu partie du couple quelque part. C'est ambigu. Hein. Ouais, non, mais il y a plein de délires. Après, il m'a même parlé, ouais, un délire, toi, limite la mettre enceinte et tout, parce que c'était des délires, quoi. Attends, mais la mettre enceinte, c'était des délires. Je crachais en elle sans capote, quoi, tu vois. Ah ouais. Attends, mais j'ai pas compris, c'est quoi l'intérêt de la mettre enceinte? Il était stérile? Non, c'est pas ça, c'était plus. Pour le délire, bah, elle prenait la pilule et tout, tu vois. C'est marrant quand même. Ah ouais, non, mais là, c'est un enfant. Ouais. Non, mais c'était pas vraiment, tu vois. C'était juste un fantasme entre eux et moi, tu vois. Ouais. Et vous auriez fait quoi si jamais il y avait un enfant? Ah bah. Ils s'en seraient occupés, je pense. Oh là là. Ouais, c'est juste anormal. Putain, c'est ouf. Hein. Ouais, un enfant qui est pas lui, c'est un peu de la folie, quelque part. Ouais, un autre mec qui est en gros ta copine et tout, c'est. Ouais, non, et là, c'était vraiment sans limite, quoi. On a fait beaucoup de choses. Il y avait quoi d'autre? Bah, là, il y avait tout. Il y avait sodomie, jeu un peu uro, tu vois, tout ça. Moi, je lui disais, fais ci, fais ça. Ah oui. Mais genre, la première fois que tu es arrivé chez eux, tu l'as embrassé, l'air de rien, et son mari est à côté. La première fois, on s'est un peu mis au point, on a passé une petite soirée, alcool, un peu, tout ça, tu vois. Un peu le délire. Au début, c'était un peu triolisme, quoi, à trois. Ouais, ouais. Et donc après il m'avait prévenu qu'il était de ce bord-là, c'est-à-dire Candeliste. Et il m'a expliqué, il m'a dit, ah, va voir tel site, tel site, tel site, pour te renseigner un peu comment tu devrais agir, tout ça, tu vois. Ah ouais. Putain, il t'a donné et, des... Ouais. Ça, c'est dingue, quoi. Ah ouais. Et, et après, tu couchais avec sans... Tu sais, les faciales et tout, genre en mode un peu sale. Ah ouais, ouais, ouais, tout, la totale, quoi. Elle était jolie, la fille, ou pas trop? Ouais, si, franchement, elle est jolie. Ah, c'est dingue. Belle brune, 28 ans, 1m70, 50 kilos, tu vois. Ah, bien foutu, quoi. Ouais, un petit avion. Ah, et le mec, plus âgé? Ouais, bah, il me faisait un peu peur au début, tu vois. C'est le genre de mec qui fait 2 mètres, 90 kilos. Merde, ouais. Ah ouais. Tu vois, c'est un bonhomme en fait. Ouais, enfin, moi, je fais 1m80, tu vois, je fais 70 kilos, donc je crois qu'ils m'en auraient mis une, voilà quoi. Mais ouais. Maintenant, c'est vraiment. On est vraiment potes, tu vois, on s'échange des messages tout le temps. Je te dis, ça fait bientôt un an que je les connais. Mais tu les vois tout le temps, toujours là? Bah, dès que je peux. Enfin, ouais. En général, un week-end sur deux, parce que c'est un peu compliqué. Je suis divorcé, j'ai des enfants, tout ça, tu vois, c'est pas... Ouais. Ne buvez surtout pas, ça va gonfler l'acidité de l'estomac, c'est limite. Cette émission est lunaire, voilà. Ouais. Boire des laits, réduire à l'acidité de l'estomac, vous pouvez demander confirmation à l'hôpital, le lactose vous soulagera. Peut-être votre ventre vous fait mal, car votre corps n'est pas habitué à ce genre de nourriture de l'espace, qu'on a bouffé des nourritures de cosmonautes, et combat contre cette nourriture. Il y a vraiment des baisers dans ce monde, quoi. Dans ce sujet, etc. Non, mais c'est vrai, il y a plein de réactions qui arrivent, en tout cas. Tain, c'est dingue, Jérémy, t'as couché avec une femme devant son mec, mais pendant vraiment avec son accord et tout c'est ça, pendant des jours et des jours. Ouais, ouais, il a jamais essayé de coucher avec toi, le mec, Jérémy, qui était baby? Non, mais des fois, je lui disais, non, je suis pas bi. Je lui disais, bah, viens, on va faire des trucs à deux, à trois et tout, tu vois, genre double pénétration, tout ça, un devant, un derrière. Ouais, et lui, il voulait pas? Si. Ah, si, ah, il disait des trucs comme ça, d'accord. Et toi, tu voulais pas? Ouais. Non, c'est moi qui lui disais à lui. De venir. Tu vois. Ah oui, ah, il voulait faire. Ah, il venait pas. Non, bah lui il reste dans son coin, il masturbe. C'est plaisir de regarder. Ah, ouais, il est pas en vie, quoi. Jim Sandra, ouais, tu l'as rencontré comment? Tu les as rencontrés comment, eux? Sur Entre Coca, je sais pas si tu connais. Ah ouais. Si, c'est payant, non, comme site. Ouais, c'est payant. Ouais, mais c'est vraiment pas cher. Ça vaut le coup. Moi j'ai vraiment. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de rencontres sur ce site en fait. Ah ouais? Ouais, j'avais. Toutes les semaines, j'avais, sans exagérer, trois partenaires différentes, quoi. Mais non. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah bien, des meufs tout seuls. Vraiment, c'est vrai, pas beaucoup de couples en fait. Ah ouais. JM du standard, il va prendre un abonnement. Ah, je le vois. Cher en plus, hein, c'est 10 euros par mois, tu vois. C'est. Ouais, au lieu de Netflix, tu vas sur Entre Coca. Après le maître mot du libertinage, en fait, c'est le respect. Ouais. C'est vraiment pour respecter les gens, pour respecter leurs décisions, pour respecter le mari, tout le monde. Ouais, voilà, puis y aller sans prise de tête. Qui va chier une merde en apesanteur, c'est la gendarme. En tout cas, les mecs, merci beaucoup d'avoir agi, hyper nombreux ce soir. Il y en a un qui me dit Guillaume, t'as plein de faux profils de toi sur Facebook qui invite à participer à des jeux fake. Tu devrais avertir. Je fais que ça, c'est vrai. Tous les comptes qui ne sont pas officiels, c'est pas les miens. Voilà, Guillaume Play, PLEY, on est à 1 953 000. Celui-là, c'est le nôtre. Il y a une petite étoile bleue, sinon, c'est pas nous. Hein. Je vous fais un gros bisou, les mecs. Merci Florian, Jérémy, Nico et tous les autres d'avoir agi. Salut. En tout cas, vous êtes cool, hein. Continuez comme ça, les gars. Hein. Ah, merci beaucoup, les frérots. Bah, je vous souhaite une bonne nuit. Faut pas les oublier. De quoi? Les filles aussi, faut pas les oublier. Les filles, gros bisous, bonne nuit, les mecs. À demain, j'ai essayé. À demain, salut, bonne nuit. À demain, j'aime ça. On a Soprano le 13 qui vient. Il y a d'autres invités qui arrivent. Il y a plein de surprises qui arrivent la semaine prochaine. À demain, Flo des cadeaux. À demain, Guillaume, bonne nuit. À demain, Julia. Salut, Guillaume. Eh ben, bonne nuit. T'es toujours mal au ventre, Julia, non? Non, mais c'est des petites crampes, mais ça va. Ouais, ça va un petit peu mieux, moi. Ouais. C'est pas la folie non plus. Hein. Allez, on vous laisse avec Mickaël qui va prendre le relais. On est plus capable, on a trop mal au ventre. Ah, tu m'entends, Mickaël? Vous êtes sûr que vous avez pas la chiasse, genre la gastro, hein? Je sais rien. Ah, on a pas dû à ça. Non, hein. Mais c'est bizarre parce qu'on les aurait. Enfin, ça serait pas arrivé en même temps. Là, ouais. On a vraiment. Ouais, eu, c'est pas faux. Ouais. Là, on est connecté là. Là, vraiment. Ouais, ça c'est clair. Ouais. On a bouffé un truc. Si vous en voulez, on vous en laissera d'ailleurs. Non, c'est gentil. Si vous voulez goûter notre nourriture d'astronaute, c'est pas vraiment. Non, c'est gentil. C'est de bonté de perdre, mais non, c'est grave. Je vous mettrai. Il y en a qui me dit, ça ressemble à quoi? Je vous mettrai la vidéo sur la chaîne YouTube, les mecs. Guillaume Play, PLEY. Je vous laisse, les mecs. On va prendre du spectacle. Bon, allez, bonne chiotte. Allez, salut les gars. Ciao, les gars. Ciao. Ciao. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Bon, alors il faut commencer l'émission évidemment par notre auditeur chinois qui m'a fait rire. On l'a mis une photo où on vous offre la PS4. Oh putain, il est relou ce Non mais il m'a fait marrer. Cool chinois. J'ai même retweeté d'ailleurs, c'est pour vous dire. Non mais attends, j'ai retweeté, t'as rien c'était demandé, drôle. Toi. Mais moi je l'ai fait, moi je l'ai fait. Ah, il parlait de Seba. Ouais. Et donc il y a Polo qui a fait une gueule, mais je sais pas d'où sort cette gueule. Il a fait une gueule bizarre sur la photo avec la PS4. Et donc t'as le chinois qui dit qu'une super belle fille passe devant moi et qu'on me dit sois naturel. Allez voir hein, sur Mickaël officiel, je trouvais ça drôle. Non mais elle m'a fait marrer. C'est surtout la phrase du chinois qui m'a fait rire aussi, parce qu'elle colle bien avec la gueule de Polo. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette gueule? Comment ça se fait que t'as fait cette grimace bizarre au départ? Comment ça? C'était pas une autre? Bah non. Il a une gueule. Non, parce qu'en fait, on dirait qu'il est en train de parler en même temps. Ce que j'expliquais, c'est que j'essaie d'imiter Seba, parce que quand il sourit sur ses photos, il monte sa lèvre supérieure sur ses dents. Sale menteur. Mais c'est la vérité. Mais non. Mais si. Ah, ouais. Bah peut-être. On ne saura jamais, malheureusement. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, ce soir, on est là jusqu'à 4h, comme toutes les nuits d'ailleurs, à aller en pleine forme avec Amina qui va en soirée. Elle avait une petite chemise à paillettes là. Enfin, C'est un pull, oui, pailleté, ouais. Pailleté, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. C'est brillant. C'est en mode soirée party. C'est ça, ça te donne la fever, mais on n'est pas cette odeur, donc. Ouais, c'est pas fever. Ouais, c'est dommage. Voilà, il y a Top qui est là également, qui lui a de la fever aussi ou pas? Non, pas du tout. Oui, j'ai de la fever, mais pas cette odeur. Genre, t'as de la fièvre? Bah ouais, je suis un peu. T'es malade? Bah, je crois que j'ai mangé la même chose que. Ah, il est barbouillé. Ouais. Je sais pas, je termine pas tes phrases. Bah, j'ai mangé la même chose que Guillaume et. Ah, tu dis, putain, ça y est, il oublie le nom du mec avant nous. Bon, bravo. Non, non, c'est bien, ça fait corporate ça, bravo. Bon, d'ailleurs, si Guillaume était un vrai, il filmerait l'équipe aux chiottes, lui y compris, bien sûr. Ah oui. Parce que, en Facebook live, ça serait drôle. Là, toi, tu se connecterais directement. Ah bah, bien sûr. Ah bah, là, immédiatement. Ah bah, ouais. Ah bah, attends. Bon, Polo va bien également? Ça va, je suis là. Très bien, oui, bah ça je me doute bien, je te vois. Oui, je suis là. Ouais, ça va, ouais. Je suis en train de réfléchir à la bêtise du chinois. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. Allez voir, c'est sur le Twitter de l'émission, vous tapez M-I-K-L officiel. Et donc, on vous disait aussi qu'il y avait une PS4 à gagner. Hein. On tirera au sort dimanche entre 20h et minuit, 22h plus ou moins pour être précis, pour ceux qui veulent tout savoir. Si vous voulez repartir avec la PS4, eh ben, c'est facile, il suffit simplement d'aller liker la page de l'émission. Et puis, vous laissez un commentaire sur la photo où il y a la PS4, justement, on tirera au sort un de ces commentaires dimanche soir. Voilà, M-I-K-L officiel. Seba au standard, ça va bien? Ça va, j'ai été faire du muscle. Bon, t'as rien demandé, je t'ai demandé si ça allait bien, je t'ai pas demandé. Ouais, mais du faux muscle. Ah oui, c'est du plastique. Non, parce qu'on part à Los Angeles dans une semaine, on va faire l'émission en direct de là-bas, et du coup, il est en sèche. Je suis en pleine préparation. Et il me dit encore, ouais, tu vas voir, parce qu'il mangeait un truc qui avait l'air trop dégueulasse hier. Il me dit, tu vas voir, tu sais, j'avais pris un peu, même toi, tu vas te rendre compte que je suis sec. Mais mec, ce n'est pas possible qu'en une semaine, même en deux semaines, juste en modifiant ton alimentation, tu peux perdre toute la bouée, enfin toute la bouée, l'espèce de bouée que tu avais. C'est-à-dire que tu peux la perdre si tu prends des produits illicites. Oui, voilà. Du clambutérol, par exemple. C'est un nom qui bouffe la graisse, etc. Les trucs de chevaux. Tu connais bien ce truc. Oui, c'est pour les chevaux. Exactement, ouais. J'avais une copine qui donnait ça à ses chevaux pour qu'ils respirent mieux. Voilà, et toi, il a essayé le clambutérol, mais ça n'a pas marché chez lui, malheureusement. Oh. C'est un échec cuisant. Donc voilà, donc il a fait du faux muscle. Là, vous verrez à Los Angeles, puisque on fera l'émission en direct de là-bas, on filmera, il y aura les photos, tout ça. Donc vous allez pouvoir vivre le truc comme si vous étiez avec nous, sauf que vous serez chez vous. Bah oui, on peut pas prendre tout le monde. Si Toff laisse ta place, nous on peut le remplacer par une belle blonde, hein, pour bien sûr, avec plaisir. J'imagine. Caro qui dit Mickaël, salut à vous, une nuit de plus en votre compagnie. Rire et délire. Merci Caro pour ce petit slogan. Seb de Quimper qui nous salue, salut à toi Seb de Quimper. Julie aussi, salut mon équipe préférée. Et bonne nuit, coup de pelle à Toff également au passage. Et bah écoute, avec plaisir aussi. Voilà. Je préfère vous écouter qu'écouter la télé, c'est Jessica. Bah écoute, nous on préfère aussi, hein, tant qu'à faire. Hein. Allez, venez nous rejoindre Facebook, Twitter, Instagram, c'est M-I-K-L officiel. Et il y a une info qui m'a fait rêver. Il y a un prof de l'université de Bologne en Italie qui a dit à ses élèves, si vous voulez tricher à vos examens et copier sur les autres, pas de problème, je ne vous dirai rien. C'est génial. Ce prof quand même incroyable. Ah oui. Attends, c'est génial. Bah c'est très grave surtout. Mais c'est très grave quoi. Qu'est-ce qui est grave là? Ça y est, elle va encore. Bah attends. Oh là là, qu'est-ce qui est relou. Grand-mère est arrivée là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ces valeurs là? Bah, la attends, triche, c'est bien. Bah c'est pas que c'est bien, c'est juste que tout le monde veut faire, tout le monde veut tricher parce que c'est interdit. Alors s'il autorise le truc, peut-être qu'il va se dire qu'il y a moins de gens qui vont le faire. Ouais, je pense pas. Bah tu penses pas en même temps. Si le vol était légal, tout le monde irait dans les magasins, ce serait super. Mais quel rabat-joie alors. Bah, oui. Oh là là, on peut plus être malhonnête tranquille. Quel rabat-joie, c'est dingue. Franchement, ça se fait pas. Putain. Bon, on bref. Peut plus escroquer son prochain. Quoi qu'il en soit, prof que tout le monde aurait voulu avoir à un moment ou à un autre, ça c'est un fait certain. J'aurais triché à fond de balle. C'est ça, ouais. Bon, et donc du coup, bah, venez nous dire hein, si vous avez déjà eu un prof exceptionnel ou si quelqu'un vous a rendu un énorme service ou même que quelqu'un vous a aidé sans rien attendre en échange. Chose que je n'ai jamais fait. Attends, mais c'est normal, quand t'aides, ah bah, ça se paye. Attends, c'est logique. Mais comment ça, c'est horrible? Oh là là. Mais tu rends service. Pauvre monde. Mais donnant. Bah, pas donnant. Mais si, donnant. À votre bon cœur, faut être gentil avec les gens. Bah, avec plaisir, je veux bien un café, Amina. Moi aussi. Sans sucre tous les soirs à la même heure. Allez, hop, c'est parti. Ma gueule, moi, la prochaine fois. Eh bah, t'as bien raison. Merci. Bon, dites-moi donc si vous avez déjà rendu service, justement, ça s'est bien mal passé. Si vous avez eu un prof exceptionnel, par exemple, qui vous a aussi rendu service. 01 40 71 5000. Vous appelez Seba au standard, il décroche et puis vous passerez en direct à l'antenne. Si vous êtes en Belgique, 02 703 007 1. Et puis par SMS, c'est Mickaël et votre message au 6 11 12. On écoutera aussi Mike Perry. Et Nicky Jam, avant une heure. On sera aussi les appels mal intentionnés. Ce soir aussi, le merci pour ton ex que nous aurons l'occasion de faire avant 1h du matin. On a des PS4 à gagner. Je vous aurais bien donné la liste complète. Malheureusement, je n'ai pas reçu de liste de mon ami Seba du Standard. Il y a des FIFA 17 en tout cas à gagner. Des FIFA 17 également à offrir. On en offrira, tiens, d'ailleurs, des FIFA 17 au jeu des chips et les lettres. Et puis on fera un jeu aussi pour gagner d'autres FIFA 17. Donc bougez pas de là. On est sur Énergie, c'est Mickaël, on est à la cool. On va s'écouter le premier son de ce soir. Tiens, Chainsmokers, minuit 15. Tranquille. N'oublie pas la touillette serveuse. J'en ai marre. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue. But I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them. But I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. From your roommate back in Boulder, we 71 5000, c'est le numéro du standard. Appelez-nous, vous passez en direct à l'antenne sur Énergie. Être à l'aise, ne se soucier de rien. Profitez du moment présent. Ne se soucier ni d'aujourd'hui, ni de demain. Être tranquille. C'est ça, Mickaël, sur Énergie. Être en paix et être tranquille. Tous les soirs, de minuit à 4h. Allez, on est en direct, minuit, 4h, c'est la semaine. Et puis 20h, minuit, c'est le dimanche soir. PS4 qu'on offrira aussi dimanche soir si vous voulez tenter de la gagner. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, c'est M-I-K-L officiel. Salut les amis de la FM, c'est la friterie Alba, salut à toi. Il y a plus de kétamine pour Toff. Pourquoi la question ? On t'entend pas. Je sais pas, qu'est-ce que la kétamine ? Bah, je sais pas c'est non plus. Un produit. Ah, c'est pour les muscles ? Ouais, ouais. Ah oui, non, mais non, mais c'est pas Toff, hein, c'est Seba au standard. Seba, moi je touche pas ça. Seba. Mais voilà, il y a Jeanne-Françoise qui dit aujourd'hui, Mickaël. Officiel, c'est abonné à mon Instagram, je suis ému. Non, je déconne, ce gros fake peut aller se faire enculer. Ouais, bah, qu'il aille bien tout se faire enculer, justement, ces gros fakes. Il y a Estelle aussi qui dit super de vous retrouver. On va rire. Bah, écoute, on va essayer. Rodolphe aussi, salut la team. Content de vous retrouver cette nuit et gros bisous à Amina, la plus belle. Ah, on aura bien passé le message, malheureusement, elle est partie chercher le café. Bah oui. Attends. Ah oui, c'est, elle est là non, pour c'est normal, coup, c'est normal, évidemment. Son job, c'est ça. Qu'elle, elle a insisté pour aller chercher le café. Mais c'est gentil, elle, mon plus grand rêve serait d'aller vous chercher le café. On écoute, bon, alors si tu veux, alors. Ok, d'accord. Ok. Alors, ok. Alors, très bien. Bon, on va se faire les appels mal intentionnés dans quelques minutes. On va prendre Pierre-Jean également à Strasbourg. Pierre-Jean. Salut Pierre-Jean. Ouais, salut tout le monde. Comment va Persifleur? Oh, une vanne de Robin des Bois. Persifleur, c'est le serpent. Fire. C'est lui. Ouais. Bon, il était tout vert avec une tête bizarre dans le dessin animé, évidemment. Bon, Pierre-Jean. Putain, c'est bizarre. Pierre-Jean, c'est le merde. C'est pas le moine ou le curé ou je sais plus comment non, il s'appelle. C'est Pierre-Jean. Non, c'est Petit Jean. Petit Jean. Ouais. Je suis con, j'ai confondu. Le moine. C'est mon surnom en plus. Ah oui, Petit Jean. Bah oui, ça m'étonne pas, tiens. Bon, j'allais t'appeler Petit Jean du coup. Pierre-Jean. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi. T'as déjà rendu service, c'est ça? Non, moi c'est un prof en fait, j'ai fait une formation, je suis producteur. Attends, parce que toi fais en direct à l'antenne au standard en même temps, attends, bouge pas Pierre-Jean. Donc c'est par rapport à un de tes profs, c'est ça? Ouais. Bon, attends, en fait, bouge pas. Pierre-Jean, ah bah très bien, je mets la pub, on va revenir juste après, ce sera la nuit sans pub, on sera à la cool. Tu bouges pas, je te reprends, d'accord? À la bonne heure à toutes. Bon bah très bien, bah à la bonne heure oui, hein, minuit 21, c'est la bonne heure, voilà. Ça. On aura Stéphane dans un instant rapport à des services rendus justement. Et donc dites-nous vous aussi si vous avez déjà rendu des services et vous l'avez bien regretté amèrement ou au contraire pas du tout. 01 40 71 5000. Ken Jones va arriver comme promis. Et on va se mettre la pub, on revient juste après, ce sera la nuit sans pub et on est en direct sur Énergie, soyez les bienvenus. On est là chez 4h. Ah les cafés sont là. Ah 01 40 71 5000. Préparez-vous à découvrir les nommés à la plus grande cérémonie musicale européenne. Energy Music Awards. Les Energy Music Awards 2016. And now, the nominees. Découvrez chaque jour sur energy.fr la liste des catégories et des nommés. Rendez-vous aux Energy Music Awards. L'événement à ne pas rater. Et rendez-vous le 12 novembre à Cannes. Direct sur TF1. Vote pour moi. Et Énergie. Oh no. Thank you. It's music only. Faites la teuf sur Énergie tous les week-ends. Avec les top DJ mondiaux. Énergie. Extravagant. Dance. The DJs are great. Tiesto. Avicii. Martin Garrix. Armin van Buuren. Sander Van Doorn. Hardwell. Dimitri Vegas. Like Mike. Steve Aoki. Afrojack. Et samedi 20h avec Morgan Nagoya et Jay Style jusqu'à minuit. Ici, c'est Énergie. La radio des top DJ mondiaux. Words, I can hear the whispers around me, around me. Hurts, it hurts if I let all the poison in, if I let them win. Make close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. Lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Oh. I am the bonfire. You make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw on me, throw on me. I am the bonfire. You make me stronger. Ici, Mickaël sur Énergie, tous les soirs de minuit à 4h. Allez, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie. Passez une bonne soirée, minuit 26, et c'est parti. Plus de pub maintenant jusqu'à la fin de l'émission. Je vous mets Mike Perry, Nicky Jam et Ken Jones qui vont arriver dans quelques minutes. Et on en parlait justement des services éventuellement déjà rendus avec Pierre-Jean. Tiens, Pierre-Jean, t'es fan de jeux vidéo ou pas toi? Ouais, ça dépend, plutôt durée, enfin sur des jeux rétro moi. Sur des jeux rétro. Parce qu'il y a FIFA 17 qui va sortir. Qui est sorti. Il est sorti, je suis con, bien sûr qu'il est sorti. FIFA 17 qu'on vous offre. Donc ce soir, on va vous filer déjà dans le jeu des chips et des lettres qu'on fera tout à l'heure. Et également sur Twitter. Donc ceux qui vont tweeter simplement le hashtag Mickaël vous offre FIFA 17 sur Énergie. Tweetez-le, hein, j'ai mis le tweet sur le Twitter, forcément. M-I-K-L officiel. Et ceux qui le tweeteront, tirage au sort parmi ceux qui auront tweeté. Et bien, on contactera par Twitter justement le gagnant ou la gagnante de FIFA 17. Donc c'est le hashtag Mickaël vous offre FIFA 17 sur Énergie. Allez-y avec ce hashtag là et puis rendez-vous avant 3h, on tirera au sort l'un d'entre vous. Bonne chance en tout cas. Et pour venir me rejoindre sur le Twitter, hein, si vous voulez faire un petit follow, c'est sur M-I-K-L officiel. Voilà. Et pas de jaloux, demain on fera le jeu sur Instagram. Voilà. Voilà, comme ça tout le monde aura eu Zalouz. Bon, Pierre-Jean, alors, raconte un petit peu au niveau des services rendus entre autres, ou alors des professeurs un peu dingues que t'as eu l'occasion d'avoir rapport à cette histoire à Bologne en Italie où t'as un prof qui a dit à ses élèves, allez-y, vous pouvez tricher, pas de problème. Voilà, faites-vous plaisir. Alors en fait, j'ai fait ma formation de conducteur matière dangereuse, tu vois, ouais. Le boulot. Et donc ces 3 jours, on s'est retrouvé avec un moniteur, un instit, je sais pas comment on dit, un prof, un instructeur, peu importe. Un instructeur mec, ou un moniteur, ouais. Ouais, et le mec il postillonnait, ça c'est que le début, il postillonnait un truc de fou. À tel point que le midi, quand on a fait la pause et tout, il y en a un qui est parti dans sa bagnole récupérer son parapluie, et quand on est revenu à 14h dans la salle, il a déplié le parapluie devant la gueule du prof. Il a quoi il a fait quoi avec le parapluie? Il a déplié son parapluie devant lui et devant la gueule du prof pour pas s'en prendre à la gueule. Ah oui, d'accord. Donc déjà lui, il s'est fait virer. Ouais, oui, normal en même temps. Hein. C'est un manque de respect, ouais. Amina. Absolument. Et c'est surtout que ça porte malheur d'ouvrir des parapluies à l'intérieur. C'est vrai. Qui plus est. Allez, le mec, c'était une tempête tropicale, attends, il nous a arrosé, c'est un truc de malade aussi, quoi, tu vois. Et alors? Et du coup, le mec, il se fait virer, on fait les cours à peu près normalement, et arrive le moment de l'examen, le dernier jour, tu vois, c'est un questionnaire. Et là, le prof, il dit, écoutez, je vous donnerai pas les réponses, mais vous les connaissez, moi, je pars boire mon café, je reviens dans une demi-heure. Bâtard, c'est bon, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc forcément il avait laissé son bouquin sur la table, il avait laissé les réponses du QCM sur son bureau. Donc quand il est revenu, il a demandé si c'était bon pour tout le monde ou s'il devait repartir boire un café. Ouais. Et il a corrigé et puis il nous l'a donné. Voilà. Ah ouais, ça va, tranquille quoi. Ça va la vie, hein, tranquille pépère. C'est génial. Ouais, ça. Donc, bah ouais. Je vais transporter des matières dangereuses, mais en fait ça se trouve je serais même pas habilité parce qu'on sait pas si j'aurais réussi l'examen ou pas quoi. Putain, c'est dingue. Mais il y a vraiment des gens parfois. Hey, imagine, tu fais ça avec un mec, tu sais, pilote de ligne. Bon, bon, bah démerdez-vous, hein, ça va bien se passer, vous allez voir. De toute façon, vous avez les réponses. Un chirurgien. Un chirurgien, t'imagines. Le mec qui fait de la merde. Tu sais, après, t'as des métiers qui sont pas très graves, tu vois, si tu connais pas tout. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas catastrophique, tu risques la vie de personne. En radio, par exemple, bon, on risque la vie de personne. Si on fait bien ou on fait de la merde, bah, globalement, tu vas pas tuer quelqu'un. Le pilote de ligne ou le chirurgien, bah, s'il fait de la merde, tu vois, c'est tout de suite. Bah, c'est dangereux si tu te retrouves avec une erreur de chargement. Mais c'est ça, mais c'est ça. De la base, il y a une fuite, boum. Mais bien sûr, bien sûr. Ça va pas péter tout de suite, mais forcément, ça va faire le bordel. C'est clair. Le clou du spectacle, c'est quand même que pour une formation de 3 jours sans hébergement, parce que moi, j'habite à Strasbourg, je l'ai fait à Nancy. Donc sans hébergement, sans frais de trajet, etc. La formation, elle coûte 540 €, quoi. 540 €? Ah oui, quand même. Hors taxe. Ouais, bon après, tu vas pas. On va pas chipoter pour les taxes. Voilà, on n'est pas dans le détail non plus. Chipoter pour 20%. Ouais, mais d'accord. Non, mais sur 500 balles, ça va. Imagine, je connais un pote, moi, il a fait pilote de ligne. Il a fait tous les cours pour l'avoir. Il a eu son diplôme de pilote de ligne. Ça lui a coûté 80 000 €. Oh là là. Et finalement, il trouve pas de taf, donc il a fait autre chose. Il trouve pas de taf? Bah, pas de taf ici. Après, il y a plein de compagnies en Australie, dans tous les autres, c'est à l'autre bout du monde qui lui proposent des trucs. Sauf que lui, il a pas envie de quitter l'Europe. Donc, il a pas de boulot. Bah, attends, il y a des gens, ils aiment pas, hein. Non, mais je comprends. C'est vrai que le mec, il a choisi de faire pilote de ligne, mais pour rester chez lui, quoi. Mais non, mais c'est pas ça. Mais non, mais quand t'es basé, tu bosses chez Air France, t'es basé en France, mongol. Ah oui, d'accord. Et ben alors? Bah alors quoi? Ça veut pas dire qu'il voulait pas partir en entre guillemets bosser et faire des escales entre guillemets à gauche à droite. C'est juste que sa famille tout est en France et il a envie d'y rester. Point. Ah, et toi, il est content, il a fait sa vanne, là, ça y est, hein, t'as l'impression. Non, mais je comprends, moi, je comprends. Le mec, il a dépensé 80 000 balles pour acheter chez lui, je comprends. Non, c'est normal. Qu'est-ce qui est chiant, putain, j'aime pas quand il est comme ça avec son air de con, là. J'ai envie de me lever, de lui mettre une droite. Oh bah vas-y. Et pour ça, je vais envoyer Polo, tiens, parce qu'il est plus proche de Toff. Ah, merci Polo. Voilà. C'est faible. Non, mais c'est parce qu'en fait, techniquement, pour ceux qui ne voient pas le studio, si vous l'imaginez pas le studio, Toff est plus proche de moi, mais nous sommes séparés par une espèce de grosse table, alors que Polo, lui. Ouais, je suis un accès direct sur. Il a un accès direct sur la gueule de Toff. Il peut lui mettre, hop, il tend le bras et il peut le toucher. Bon, bah merci en tout cas, Pierre-Jean, d'avoir appelé. De quoi Ouais, merci à vous, franchement, vous animez nos nuits, les gars, vous serrez à mort. Ah, oh, c'est on gentil. Déconne. Bon, c'est vrai. On déconne super bien et franchement, et voilà. Quand t'es sur la route toute l'année et que vous êtes pas là, bah en fait, on se fait chier finalement. Tu vois. Ah, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, on fera l'émission à Los Angeles. Normalement, on était censé être en vacances et du coup, on s'est dit qu'on allait quand même faire l'émission de là-bas, tu vois, pour pas vous abandonner. On est bon quand même, on est gentil. Hein. On est trop bon. Hein, trop bon, trop con, comme on dit. Ouais, on est plus con que bon. Hein. Voilà, et là, il ira à Los Angeles, il ira voir les putes et tout le bordel. Bah non, nous, on va faire l'émission par la piscine. Voilà. Mais c'est bien, on va se marrer, enfin, j'espère, normalement. Bah oui. En parlant de putes, on a c'est bas. Ouais. Non, tu m'as fait trop peur. Non, on a du respect, Amina. On t'aura jamais fait des putes. De luxe éventuellement, mais pas. Voyons. Mec. Salut Pierre-Jean, merci d'avoir appelé. Allez, à bientôt. Salut, bisous tous les nuits. Ciao. Salut, ciao. Il y a Antoine et Stéphane qu'on va prendre dans quelques minutes. Et puis, bah, vous dites-nous encore si vous avez déjà rendu service, justement, bien, mal, comment ça s'est passé, justement, si. Amina, t'as déjà rendu service? Oui, très souvent, mais on m'a surtout rendu des beaux services. Genre. Bah, par exemple, une fois, je rentrais de vacances, j'étais sur les îles Canaries, et en fait, en gros, j'ai loupé l'avion. Comme j'ai d'habitude. J'ai perdu ma carte bleue. Comme d'habitude. Et mon téléphone était cassé. Ouais. Donc c'était très compliqué. T'es vraiment Josiane pas de bol, hein. Putain, ouais, un peu, ouais. Et bref, donc je vais vraiment te mettre sur un autre vol, en fait. arrête, j'ai souvent des galères en plus. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai une copine qui m'a pris un billet d'avion jusqu'à Barcelone. Elle m'a dit comme ça, Barcelone, t'appelleras ta mère, elle te prendra un billet de Barcelone à Paris. Ok. Il y a pas le téléphone dans les îles Canaries? Bah si, mais moi je n'en avais pas parce qu'on me l'a cassé par terre en fait. Un mec a voulu voler mon téléphone. T'es vraiment Josiane pas de bol. Ouais, quoi. Non mais vraiment. Ah ouais, d'accord. Et en fait, arrivé à Barcelone, donc j'ai perdu. Enfin, ma copine n'est jamais venue me voir en fait, elle est jamais venue me chercher. Et elle appelle encore ma copine. Hein. Oui. Écoute, hein, ma foi. Et donc finalement, donc j'ai attendu pendant des heures et des heures. Donc là, ça faisait déjà 24 heures que j'étais en transit hein, dans les aéroports et tout machin. Pour faire Îles Canaries Paris. Voilà, sans maison. 3 heures de vol. Et à 8h du matin, bon, elle n'était pas là, je savais qu'elle était rentrée en France, donc j'ai commencé à pleurer, voilà, désespoir, et j'ai pleuré en m'endormant. Et d'un coup, un homme est arrivé. J'ai ouvert l'œil, et là, je vois 20 euros. 100 balles ? Non. Je te jure que je vois 20 euros devant mes yeux, et là, vraiment, je suis au bord du désespoir. Hein. Donc, je lève la tête, et il me dit, avec un super anglais, « Are you Amina ?»

votre salamus. Insulté. Allez-y poser la question à votre mère, à votre maman de salaud de merde. Voilà. Mais ta gueule, teuf de mon cul, oui. Et donc avec une grande grande question probablement ce soir, quoi qu'il en soit, oubliez tout ce que vous avez vu dans Top Chef, Master Chef, Chef, la recette, enfin tout bref, tous les trucs avec des chefs et des trucs de cuisine. Paul Fautenhauer. J'essaie de le prononcer correctement. C'est un infirmier originaire de San Francisco aux États-Unis qui a publié un livre intitulé Natural Harvest. C'est un livre de recettes entièrement à base de sperme. Mmh. Voilà. Et bon appétit. Quelle arnaque. Voilà. 100% garantie sans gluten, Polo. C'est important. Je préfère bouffer du gluten, mais on continue. On concentré. Ouais, ouais. Voilà, sa femme a testé et a validé tous les plats du livre. Donc, Tof, tu vas vérifier si les femmes aiment vraiment le goût du sperme. Hein. Bah oui, allons-y. Allez, on y va, c'est parti. Grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, on va appeler maintenant. C'est sur toph@energie.com. On y va, c'est parti, on appelle. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oh, oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari était si vous étiez satisfait par le goût du sperme de votre mari. Ah bah ça a été rapide hein. Ah bah oui. Ah oui, ça a été rapide, on rappelle. C'est la question pour la fille qui. Quoi ? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Pas faire fou, fils de pute. Bah, enfin, monsieur, pas de centre-nous, pourquoi vous dites ça ? Ah, allô ? Bah, dis donc, putain, ils sont pas très. Non. Pas très cool dans cette famille, on rappelle. Bah, oui. Ils sont un peu tout chiants, d'ailleurs. Toi, si c'est ton mort, je te tue, bâtard. T'as compris ? Bah, non, monsieur, je comprends pas pourquoi vous dites des choses comme ça. Enfin, c'est très violent. Parce que t'as qu'un fils de pute de merde. Alors tu me donnes ton nom, ton adresse et il va venir te péter ta gueule, bâtard, t'as compris ? Oui, je m'appelle Tof. Je m'appelle Tof. C'est ton merde. Bah non, monsieur. Et alors ? Dites pas des choses comme ça. Bah écoute, alors. Fils de pute. Écoute ça, fils de pute. Tu me téléphones encore une fois. Si je te retrouve, je te fais ta fête. Bah je vous donne mon adresse si vous voulez, monsieur. Moi ça me dérange pas. Moi je veux juste avoir une réponse à ma question. Écoute, va baiser ta mère, bâtard. Oh non, non, monsieur, enfin pas de ça entre nous. Ça se dit pas des choses comme ça. Écoute, tu m'emmerdes. Alors, tu m'appelles encore une fois sur mon GSM, ça va aller très mal pour ta gueule, bâtard. T'as compris ? Oh non, non, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. Enfin, je comprends pas pourquoi vous pouvez pas juste répondre à la question parce que gentiment. Parce que t'es qu'un fils de pute. Oh non, monsieur. Ta mère, c'est une grosse salope. Oh non. Qui s'est baisé par tout le monde. Oh non, et monsieur. Tu m'emmerdes encore, ça va aller mal pour toi. Non, monsieur, ça se dit t'as pas. Non, ça se dit pas des choses comme ça, monsieur. Si, ça se dit à des bâtards de ta race. Non. C'est qu'un fils de pute, un fils de pute, un fils de pute. Non, monsieur, arrêtez. Tu comprends ? Non, je comprends pas. Mais non, t'es un fils de pute, faut pas comprendre. Mais non, allez, arrêtez de dire des choses comme ça, monsieur. Répondez à ma question. Tu vas te faire foutre, gros bâtard. Non, non, monsieur, non, ça se dit. Tu connais ta mère, c'est la mon sperme, si tu as envie de le savoir, parce que je la baisse tous les soirs, ta mère, connard. Non, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. C'est très violent et ça ne sert à rien. Ça ne m'aide pas à avoir une réponse. Ah, il va y raccrocher, c'est dommage. Mais il t'a bien cerné. Hein. Ah bah, quel homme charmant. Il a directement cerné le personnage. Ah bah, j'ai senti sur son GSM. Ah ouais, ouais. On le rappelle. T'as pas compris, cette pute. Bah non, je comprends pas, monsieur. Enfin, vous êtes très violent avec moi, alors que moi, je suis gentil. Je comprends pas. Alors, maintenant, tu me donnes ton adresse, bâtard. Oui, alors c'est 22 RUE Boileau, comme le poète. Et c'est à Paris, monsieur, dans le 16e arrondissement. Ah, allô, monsieur ? Merci. Merde, putain, il a nouveau raccroché. Donc. Bon, on rappelle encore une fois, bon, mais. Oui. Je pense qu'il il te demande l'adresse en même temps, et après, il la note pas, il est con. B. Bienvenue sur voicemail. Déception totale. Dommage. Bon, bah tant pis, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on peut appeler qui ont tendance à s'énerver un peu rapidement, bah n'hésitez pas. Vous les envoyez sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. Vous pouvez aussi envoyer par SMS, hein, si vous voulez. Envoyez Mickaël, espace Tof, et le numéro de téléphone. Comme ça, on sait que c'est des numéros qu'on peut directement appeler. Envoyez ça au 6 11 12, même numéro pour la France et pour la Belgique. On aura le son de Nicky Jam à suivre. Il y a un message qui dit: moi, j'aurais été le gars de l'aéroport. Je l'aurais enculé direct, Amina. C'est Cédric, le routier du 72. À qui parle cet homme? Oh, que d'amour, que de tendresse. Oh, c'est violent. Non mais faut prendre des cachets là, c'est plus possible. C'est rapport à l'histoire qu'elle a expliqué avant Ken Jones. Et tu vas pas au commissariat avec lui? Je suis en train de noter, je suis occupée. Ah, très bien, parfait. Elle prend les preuves. Absolument. Julie qui dit sur le Twitter: et moi en cours, on s'éclate à sortir le pas de ça entre nous de Tof. Ah. Et on le cale partout. Eh ben, t'as raison, pas de ça entre nous. Il y a C'est Cool aussi sur le Twitter encore qui dit: hello toute l'équipe, ça fait plaisir de vous retrouver, vous êtes géniaux. Je me suis permis de corriger ton génial, C'est, tu m'en voudras pas. Moi, ma prof d'histoire a retiré. Attends, c'est quoi? A retiré pas mis 3 notes pour pas baisser ma moyenne. Ah, bon, bah, elle a pas dû faire beaucoup d'efforts, hein, à mon avis, hein, pour retirer ta moyenne. Et Annabelle qui dit, surtout si c'est la prof de français, Annabelle qui dit: je vous adore. Bah, c'est gentil, merci pour vos messages. N'oubliez pas le hashtag Mickaël, M-I-K-L, vous offre FIFA 17 sur Énergie. Plus vous le tweetez, plus vous avez de chance de repartir avec le jeu FIFA 17 sur PS4. On vous l'offrira avant 3h du mat en direct sur Énergie. On tirera au sort l'un de vos tweets, tout simplement. Donc, venez nous rejoindre. Le hashtag M-I-K-L vous offre FIFA 17 sur Énergie. On tirera au sort tout à l'heure. On va récupérer aussi Octa à Wavre, Antoine, Stéphane à Béthune et donc Antoine à Nancy pour réagir au service que vous avez déjà pu rendre éventuellement. Si ça s'est bien ou mal passé, est-ce que la personne à qui vous avez rendu service est reconnaissante ou pas? Je sais que j'en ai déjà rendu des services et jamais de reconnaissance. Oh. Hein. Jamais de reconnaissance. Bon, on écoute Mike Perry maintenant, on est au cœur de la nuit sans pub sur Énergie. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get. Passez une bonne nuit, les minuit 48. Mickaël sur Énergie. C'est du lundi au jeudi, de minuit à 4h. Et le dimanche de 20h à minuit. Alors sois au rendez-vous. Ouais, soyez là, hein, le dimanche soir aussi. D'ailleurs, on fera le tirage au sort pour la PS4 ce dimanche. Pour gagner la PS4, venez nous rejoindre sur Facebook. C'est MIKL officiel. Il y aura un de mes sons préférés, 21 Pilots. Il y aura aussi Nicky Jam. Et on va se faire le merci pour ton ex, un jeu de Amina. Voilà, donc si vous voulez piéger votre ex, que vous soyez encore en bonne entente ou en mauvaise entente avec lui, il y a une PS4 à gagner, Xbox One ou alors les tablettes Samsung Galaxy Tab E qu'on vous offre toute la semaine. Il suffit donc tout simplement de vous inscrire. Vous appelez Seba au standard 01 40 71 5000. La fruit très bas sur le Twitter qui dit moi j'ai téléphoné à mon prof pour avoir les questions d'examen, il m'a donné et il me les a données. Je vous adore, je vous le jure. Et ben dis donc, putain. Faut avoir les couilles de le faire, ce dit au passage, hein, parce que pour le même prix, t'as zéro et t'es exclu du cours. Mais c'est bon. Clair. Julie aussi, au final, je reste avec vous, j'arrive pas à dormir. Bah, tu fais bien, Juju. Et alors, il y a drôle de personnes sur le Twitter qui dit vous êtes les meilleurs avec le hashtag Mickaël offre FIFA 17 sur énergie. Hein. Susboule, quoi. Hein. J'imagine que tu écris ça uniquement dans le but de gagner le jeu FIFA 17 et non pas parce que tu penses réellement que nous sommes les meilleurs, je pense en tout cas. Stéphane avait une. Salut, Steph, comment tu vas? Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir à toute l'équipe. Oui, bonsoir, je m'appelle Mickaël, bonsoir, je me salue à moi-même. Qu'est-ce que j'ai entendu? Stéphane, t'as mes thunes? Ah non, de Béthune. C'est quoi le délire? Ils règlent leur truc en... C'est ça. Ça peut être drôle. Non, Stéphane de Béthune. Bon, allez, bienvenue à toi Stéphane. Alors, on parlait de services rendus. Est-ce que t'as déjà rendu des services et est-ce que y a eu une reconnaissance? Oui, j'ai rendu service à un collègue qui était devenu un très grand ami et j'ai pas eu de retour suite à ce service. Je lui ai prêté de l'argent, quand même une belle somme. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles une belle somme? Bah, quand même 250 euros, quoi. Ah ouais, et le mec t'as jamais rendu? Ah non, du tout, ça fait 4 ans maintenant et on a plus de contact du tout ensemble. Attends, le mec, tu lui as prêté 250 euros et après plus de nouvelles? Non, en fait, il m'avait demandé si je pouvais l'aider parce qu'il était vraiment dans la merde jusqu'au cou et que sa copine n'était pas au courant. À ce moment-là, c'était juste sa copine et maintenant, il est marié avec. Ouais. Et il m'avait dit, je te rendrai 5 euros par 5 euros tous les mois. Et le mois d'après, j'ai rien vu revenir. J'ai rien dit. Le deuxième mois, toujours pas rien vu revenir. Et puis, ça continue de plus en plus et j'ai rien vu en retour. Et on n'est plus en contact du tout, malgré qu'on bosse tous les deux dans la même boutique. Mais quoi, et tu t'essayes pas de le retrouver le mec en demandant qu'il y a un moment bon, il faut bien qu'il rende l'argent quoi, qui est ami, que vous soyez plus amis, bon tu t'en fous, mais que bon l'argent il faut qu'il revienne quoi. Bah en fait c'est un peu chaud entre moi et lui parce que c'est en arrivé au point qu'on est presque venu en venir aux mains quoi. Ah bah oui, mais si tu veux, je peux t'envoyer Toff, c'est un peu notre berger allemand. Ah bah oui, oh là là, je mords. Voilà, j'aboie pas très fort. C'est pas le souci de ce côté-là, puisque lui et moi, on a déjà bossé en discothèque avant, donc on n'a pas peur au niveau bagarre, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais à chaque fois que ça doit se régler, il y a les enfants qui sont là, donc je veux pas que ça se passe devant les gosses. Ah bah oui, non, mais bien sûr, ça t'as bien fait. Ça tu fais bien. Maintenant, après, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est essayer d'aller porter plainte chez les flics, Amina. Non, pas mais non, sans déconner, il fallait faire signer une reconnaissance de dette. Oh, mais pas pour 250 balles. Si. Mais pas avec. Oui, non, mais d'accord, ok, mais tu fais une reconnaissance de dette quand tu peux le faire prêtes. Pour 10 euros. Hein. Oui, mais je sais bien que tu peux le faire pour 10 euros, tu peux le faire pour rien. Mais ouais, franchement. Pour un café, tiens, pour 1 euro, tu peux. Oui, reconnaissance de dette, tu me dois 70 centimes. Non, par contre, ce qui est important, et c'est vrai qu'il faut le dire, ne jamais prêter de la thune. Ou alors, il faut que tu te couches dessus. Mais si, il faut que tu te dises, voilà, je prête de 100 euros, 200 euros, je sais pas combien. Mais jamais je retrouverai la thune. Bah, en règle générale, les gens se barrent. C'est tous des clochards, les gens. Moi, je me suis fait niquer par Toff. Hein. Je lui ai prêté de l'oseille pour qu'il s'achète un truc et il m'a rendu 9 euros au moins. Il m'a dit pardon, je pensais que c'était le bon tarif. C'est vrai ou faux? Je te les ai rendus la semaine d'après. Même pas. Il est hésitant. Non, il est hésitant, t'as remarqué. Parce que je me suis pas rendu compte que les 9 euros étaient revenus. Non, regarde, parce que je t'ai remboursé le truc et j'ai oublié les 9 euros. Tu m'as dit, ouais, mais tu me dois ça. Et la preuve, c'est que le virement avec les 9 euros est arrivé avant l'autre. Donc t'as même pas été arnaqué de 9 euros. Ah, mais j'ai rien compris. Moi non plus. En fait, je devais faire un virement à Mickaël avec un certain montant. Non, mais tout le monde pense que tu mens. Et j'ai oublié 9 euros. Et donc il me rappelle, il me dit, ouais, mais t'oublies pas que tu dois me rembourser ça. Je dis, ah ouais, et en plus j'ai oublié 9 euros, je te les mettrai dans ce virement-là. Et ce qui est arrivé, c'est que le deuxième virement est arrivé avant le premier. Donc, normal. Donc il a reçu que 9 euros. Voilà, c'est ça. Donc je me suis enflé. Tu t'es fait enfler. Voilà, c'est ça. Et donc il a tout récupéré. Putain, c'est ouf ça. C'est dingue. Hein, principal c'est dingue. Et intérêt. Intérêt de rien. Il est sérieux, lui, ou quoi? Sans déconner, quoi. Oh là là, je te jure. Là, j'ai prêté de l'argent parce que toi, mais encore redevable. Hein. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que monsieur veut venir à Los Angeles, mais il veut payer en trois fois sans frais. Ah oui. Alors voilà, monsieur, je fais banque également. Hein, c'est... Non, alors c'est pas vrai, c'est parce que t'as des avantages avec la compagnie aérienne que nous empruntons qui te permet de payer plusieurs fois. C'est ça, ouais. Bon, tout ça pour dire. J'ai déjà remboursé deux parts. C'était... Oui, bah, normal, ça fait deux mois. Il en reste encore une. Bon, donc Stéphane, de toute façon, genre, à foutre, s'il paye pas l'intégralité, reste là-bas. Hein. Ou ça à Los Angeles? Ouais. D'accord, je rembourse pas. Ouais, c'est ça, il va se faire foutre dehors par, les, par le service. Il y a Guantanamo. C'est clair. Bon, bref, donc Stéphane, donc, du coup, tu t'es assis dessus définitivement. Tu comptes pas essayer de récupérer l'oseille, quoi? Bah, en gros, non, je pense que je les reverrai jamais, quoi. J'en ai parlé aussi avec ma femme. Ouais. Et me connaissant comment je suis, elle préfère qu'on en reste là parce que. Elle sait que moi je risque d'aller très loin au niveau de. Oui, après effectivement c'est pas la peine de lui mettre des enfin de le frapper si après il porte plainte finalement c'est toi c'est quand même toi qui va avoir des emmerdes pour 200 balles c'est vrai que c'est peut-être pas la peine quoi. Ah, porter plainte non, il ira pas porter plainte parce qu'il est du même tempérament que moi quoi. Vu que on a été quand même bosser en discothèque ensemble donc on bosse de la même façon et enfin de toute façon ouais là, après évidemment la violence ça va pas te faire revenir à 250 euros donc au final mais normalement n'oublie pas un truc c'est que la vie le destin appelle-le comme tu veux la nature va te normalement il va récupérer ça dans sa gueule ouais un moment ou à l'autre tu sais moi ça m'est arrivé hein, j'étais vénère contre un mec regarde là, c'est la tête de Toff regarde ce que c'est devenu non j'avais le mec me devait de l'oseille m'avait fait franchement des coups de pute. Et à un moment, je me suis dit, pendant des années, j'étais vénère. Et donc, je cherchais à le retrouver, il décrochait jamais, etc. Non, franchement, j'étais vraiment vénère. Et puis un jour, je me suis dit, laisse tomber. Et le mec est revenu vers moi, à un moment, je l'ai croisé. Il voulait me rendre l'argent qu'il me devait. C'était, je crois que c'était 150 balles à l'époque. Finalement, je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y, garde-les, j'en ai rien à foutre. Et puis voilà, on s'est plus revus. Et 5 ans après. Il est mort. Non, il est pas mort, non. Non, pire. Cinq ans après, je le croise dans une boutique de télécom. Peu importe, hein, il avait toujours fait ça. Et là, le mec, il a 2 ans de plus que moi. Le mec, il avait pris un coup de vieux, mais d'une violence. Il avait des petites lunettes rondes. Il avait perdu tous ses cheveux. Il lui restait une petite couronne toute grise. Alors qu'il a 2 ans de plus que moi, tout gris. Je l'ai revu. Je suis rentré dans la boutique. Il m'a reconnu. J'ai regardé, j'ai rigolé, je me suis barré. Ah, mais c'est ça. Mais la méchanceté des gens, ils se voient sur leur gueule. Mais ouais, et là, je me suis dit, putain. La nature m'a vengé. Ça m'arrivait avec ses balles, voilà, ça. Tu vois, pas la peine de s'énerver, pas la peine de frapper. Je t'ai fait. La nature te rend toujours service. Le boomerang revient toujours. Ah non, c'est vrai. Un moment ou un autre, voilà. Et d'ailleurs, Toff, c'est si, t'as vu sa gueule. Hein. C'est quoi, il parle. Oui, mais ça, c'est depuis le début, donc je suis pour rien. Ouais, Toff, c'est le boomerang en fait. Bon, merci Stéphane en tout cas d'avoir appelé. Et puis, bah, si jamais tu récupères les 250 balles, tu nous dis, hein, d'accord. Ouais, ok, ça marche. Bon. Merci à vous. Bah, je t'en prie. Continuez ce que vous faites. Vous êtes une super équipe. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Salut à toi, Steph. À bientôt. Salut, au revoir. Ciao. On aura Antoine de Nancy, Max de Reims, Octa de Wavre également dans un instant. On va se faire aussi, évidemment, le merci pour ton ex dans quelques minutes. Un message aussi qui est arrivé. Amina, désolé pour mon message de tout à l'heure. Ah. Pour finir en beauté, je lui aurais fait le coup du dragon. C'est Cédric, le routier du 72. Non, mais la bonne blague. J'ai même pas envie de. Est-ce qu'Amina peut rappeler ce qu'est le coup du dragon? Oui. Alors, le coup du dragon, il s'agit d'un insolent avec sa copine ou autre qui insère son phallus dans la sa bouche. Donc. Voilà. En érection. Et il décide de lâcher sa semence voilà, dans la bouche de madame. En fait, c'est ça, d'éjaculer à l'intérieur. Quoi. En lui attrapant la tête violemment afin que la semence sorte par son nez. Oh, mais quelle dégueulasse. Voilà, là, pour le coup, je suis d'accord, c'est dégueulasse. Un rêve de petite fille. Ah non, c'est immonde. Non, franchement, j'avoue. Et après, on cuisine le tout. Oh, grâce aux recettes du docteur. C'est ça, du docteur. Comment il s'appelle encore celui-là? Paul Fottenauer. Voilà. Et Jayce qui dit aussi: je fais partie de la team insomniaque tous les soirs en t'écoutant. Ah, bah, c'est gentil, Jayce, on embrasse tout le monde. Allez, Nicky Jam maintenant, on se fait le jeu juste après, le merci pour ton ex et on jouera avec Laura dans un instant, minuit 57, au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël sur NRJ. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita, mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país. Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti como bailas así. Con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé. Bonne soirée, bonne nuit. Mickaël sur Énergie. Ce sont des sensations, des goûts, des couleurs. Mickaël. Intense et suave. De la passion et de la force. Œuf et son saveur. Des miettes de cerveau, des produits périmés. Polo, de la dureté, de la noirceur. C'est dégueu et un peu salé. Amina, c'est quelques grains de semoule et de la douceur dans ce monde de brut. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Tous les goûts sont dans la nature. Yes! Je rappelle toujours qu'on vous offre FIFA 17 sur le Twitter tout à l'heure. Si vous avez envie de gagner, mettez le hashtag MIKL vous offre FIFA 17. Plus vous le tweetez, plus vous aurez de chance de repartir avec le jeu, puisqu'on vous l'offre tout à l'heure. On tirera au sort un des tweetos qui aura donc tweeté justement ce hashtag MIKL vous offre FIFA 17 sur Énergie. On aura 21 Pilots dans quelques minutes et on va prendre. Où est-ce qu'il est? C'est Antoine d'abord de Nancy. Salut Antoine! Ouais, salut. Ouais, salut. Comment ça va, Antoine? Ah bah nickel, ça va, et vous? Bon, bah oui, ça va super aussi, Antoine. Alors raconte, avant de se faire merci pour ton ex, qu'est-ce qui t'est arrivé en rendant service, toi? Donc, bah moi, c'est une prof au lycée. Ouais. Elle m'a rendu un service immense parce qu'en fait, on devait partir en stage dans un restaurant. Tu devais partir dans un stage dans un restaurant? En stage dans un restaurant. Ah, d'accord, ok, ouais. Et moi j'étais parti pour l'étranger à la base. D'accord. Que je voulais pas, parce que j'avais du fort niveau en langue, donc je me suis dit j'ai décidé de partir à l'étranger. Mmh. Mais le lycée voulait pas qu'on parte à l'étranger niveau convention de stage, machin, bidule. Ouais. Donc je suis allé voir la prof d'allemand, vu que je voulais le faire en Allemagne vers Berlin. Et elle a essayé de négocier, donc avec les chefs de travaux et tout. Et j'ai eu mon stage en Allemagne. Donc, il s'est super bien passé et tout. D'accord. Et bah voilà. Bon, ça va finalement, voilà. Ça c'est plutôt bien fini pour toi. Ah bah, pour moi, oui. Voilà, un petit service ROM, voilà, ça a bien fonctionné. Mais tu vois, ah bah, là, c'est moins drôle quand ça se passe bien. Ouais, c'est mieux quand ça se passe pas bien. Mais oui, c'est vrai, t'arrives, oui, bah, j'ai fait ci, c'est arrivé ça, et c'était génial. Bah oui, bah, bon, c'est pas marré. Hein. Non, c'est mieux quand il y a des vraies galères. Oui, bah oui. Voilà, des vraies galères, quoi. Là, on se marre. Avec des vraies galères. Non, mais je suis content pour toi, cela dit au passage, Antoine, c'est bien. Ouais, bah par contre, la prof, elle est pas contente. Ouais, bon, après. Tant pis, hein. Tout le monde ne peut pas être content. Elle s'est fait défoncer. Ah bon, elle s'est fait défoncer? Ah bah oui. Bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui, bah oui, forcément. Bon, écoute, de toute façon, toi, hey, franchement, parfois, faut être égoïste. C'est vrai. Tu vois, ah bah, ça s'est bien passé pour toi, tant mieux, pourvu que ça dure. Bon, et aujourd'hui, du coup, tu fais quoi là maintenant? Toujours 17 ans, toujours aux études? Ah bah oui, toujours. Ah bah oui, très bien. Bon bah écoute, bah bon courage à toi alors. Hein. Toujours la cuisine? 17 ans aujourd'hui, voilà. Ah bah bon anniversaire Antoine, t'auras pas de cadeau. Hein, j'annonce. Merci. Mais Bah c'est déjà un beau cadeau de participer à l'émission. Oh, c'est gentil. Ah bah tu sais quoi, je t'offre une nuit d'amour avec Toff, Antoine. Oh, c'est trop mignon. Ah non, non, avec Toff, avec Toff. Ah, il dirait après, j'ai parti au pic. Ah, bon, bah tant pis. Tu vois, il refuse un cadeau, ça se fait pas. Dommage. Ouais, c'est scandaleux. À Camina, ça aurait été mieux. Ah, ouais, oui, je sais. Mais pour avoir Amina, faut d'abord passer sur Toff. Oh, c'est une blague ou quoi? Ah, bah non. Non, mais c'est quoi cette attaché de presse pourri là? Bon. Antoine, merci d'avoir appelé. Tu rappelles quand tu veux. Bah d'accord, pas de soucis, merci. Salut, à bientôt. Nadia qui dit aussi bonne fête, Michel, un personnage indispensable de la Best Équipe Radio. C'est oui, c'est vrai, c'est la Saint-Michel. Bah, bonne donc, fête. J'espère que tu lui fêtes, que tu lui fêteras comme il se doit, Polo, tout à l'heure, Polo Show. Il est pas encore arrivé. C'est la Saint-Michel. Oui, je vais rien lui céder à cette espèce de merde de réa. Ça. Ouais. Michel, c'est lui qui pousse les boutons dans le Polo Show, c'est pour ça. C'est un tocard. Bon, il y a Seb de Quimper qui dit j'ai prêté une fois, pas deux. Polo a raison. C'est vrai. Tends ta main, on te bouffe le bras. Moi, j'ai acheté une paire de chaussures à un pote parce qu'il pouvait pas y aller. Et ben, 2 mois après, il m'a fait pareil, comme quoi. Oui, bah comme quoi parfois ça fonctionne, évidemment. Tu peux parfois rendre service et puis ça marche. Bon, bah écoutez, ça peut fonctionner. On va se faire le merci pour ton ex. On continuera à parler des services rendus qui se sont bien ou mal terminés juste après. On va d'abord accueillir Laura qui est avec nous maintenant pour le merci pour ton ex. Salut Laura. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ben ça va bien, Laura, tranquillement. Bon, on t'appelle pour le merci pour ton ex. Hein, un jeu trouvé par Amina. Évidemment. Toujours. Bon. Ouais, bon, attends, t'emballe pas. Faut encore que ça réussisse, Amina. Oui. Bon, on va jouer ensemble. Tu vas pouvoir repartir soit avec une tablette Samsung Galaxy Tab E, soit avec une PS4. Pour ça, évidemment, il va falloir chauffer ton ex. Alors, dis-nous peut-être déjà comment il s'appelle, ton ex. Thaï. Thaï, très bien. C'est thaïlandais? C'est facile, mais je me dis, on sait jamais. C'est turc. C'est turc, d'accord, ok. Ah, écoute, franchement, pourquoi pas? Oui, oui. Ça aurait pu. Oui. Ça aurait pu. Bon, quel âge il a? 25 ans. Il fait quoi dans la vie? Mécanicien, d'accord. Ok, il est du style plutôt nerveux, jaloux, tout ça? Oui. Ok, oui. Donc parfait. Okay. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes convictions de la vie, mais lui, il croit que j'ai trompé. Ah, il croit que tu as trompé? Ah, d'accord, ok. Très oui. Ok, donc bah, il croit que tu as trompé. Et c'est vrai ou pas? Non. Non, d'accord, ok. Non, non. Et t'as pas essayé de te défendre en disant que c'était pas vrai? Ah oui, mais il croit pas. Ah, il s'en fout. Ah, bah d'accord, ok, très bien. Oui, oui. Donc, plus de mec est jaloux, mais il est con aussi, a priori. Et vous êtes en guerre aujourd'hui ou pas, là? Si on l'appelle, t'es encore en contact avec lui de temps en temps? Oui, de temps en temps, mais c'est un peu chaud. D'accord, ok, très bien. Bon, et toi, t'as un nouveau mec aujourd'hui? Oui. Ok, comment il s'appelle? Toff. Quoi? Toff. C'est pas moi. Toff. Christopher. Ah. C'est pas moi, je suis innocent. Ah putain, je pensais que c'était l'autre mongol qu'on a ici. C'était Toff, Toff d'ici, quoi. Oh putain, je me suis dit, ça y est, on va tomber sur un dossier là qui va leur sortir en plein de cronches. Ok, et il fait quoi dans la vie, Christopher? Il travaille dans le bâtiment. Ok, très bien. Est-ce qu'il t'a. Est-ce que tu l'as payé les trucs à l'époque à Thaï pendant que vous étiez ensemble? Genre, est-ce que tu lui as offert un cadeau, quelque chose, je sais pas, ou des cadeaux? Non, des bagues. Ouais, des bagues. Une bague? D'accord, ok. Oui. Très bien. Ça vaut cher ou pas, les bagues? Oui, ça va. À peu près combien? Non, c'est parce que je vais lui demander qu'il les rende, hein, mais c'est pour savoir à peu près combien ça vaut, quoi. Ah, 300 euros à peu près. Ah oui, quand même. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu lui as fait plaisir quand même. Ah ouais, putain, t'as fait des beaux cadeaux. C'est les bagues de fiançailles. Ah oui. Ah, vous êtes des fiancés. Ah ouais, ouais, bah du coup, c'est ça. On était mariés. Ah, vous avez été mariés carrément? Oui. Ah d'accord, mais pendant combien de temps? Pendant 4 ans. Ah oui, d'accord. C'est vrai que j'ai posé la question depuis quand vous êtes plus ensemble, mais j'ai pas posé la question de savoir depuis quand, combien de temps vous êtes restés ensemble. Ah oui, 4 ans et mariés, donc les bagues, évidemment, 300 balles. Ouais. Et du coup, il a gardé la bague de fiançailles ou il te l'a rendue? Non, je pense que non, il les a gardés. Ah, il est. Bah, d'accord, ok, bah oui, forcément, ouais. Ok, d'accord. Amina, encore une question éventuellement à poser? Ouais, est-ce qu'il y a des équipes de foot, des trucs comme ça qui détestent? Ouais.

Eh ben oui, on est là d'ailleurs jusqu'à 4h du matin, le dimanche aussi de 20h à minuit. Et n'oubliez pas, je vous offre FIFA 17 sur PS4. Et pour le gagner justement ce FIFA 17, eh ben il suffit de tweeter. Ce soir on fait le jeu sur Twitter, demain sur Instagram. Eh ben vous tapez simplement le hashtag Mikael, M-I-K-L, vous offre FIFA 17 sur Energy. Et puis bah, plus vous le tweetez, plus vous aurez de chances de repartir justement avec ce jeu, puisqu'on tirera au sort quelqu'un sur le Twitter pour lui offrir le jeu FIFA 17. Voilà, si vous voulez tenter votre chance, allumez Twitter et vous tapez le hashtag M-I-K-L, vous non, c'est quoi ça ? M-I-K-L offre FIFA 17 sur Energy. Voilà, bonne chance en tout cas. On va s'écouter le son de Sac Noël avec Shana Paul dans quelques instants. Il y aura Sound of Legion également, la reprise de FL65 et Sia. Tout ça c'est avant 2h du matin. Et Thomas aussi qui dit salut les mecs, c'est parti jusqu'à 4h, coup de pelle dans la sale gueule de merde de Toff. Avec grand plaisir. Voilà, on va donc faire la suite maintenant. La suite en espérant que ça marche bien sûr, hein. Retour avec Laura pour le merci pour ton ex. T'es toujours là Laura? Oui, toujours. Bon, très bien. Allez, c'est parti, on y va. On moi va jouer. J'ai une suggestion, monsieur. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Amina, encore? Voilà, j'ai peur. On va faire le merci pour ton ex. J'ai même pas le temps de le dire. Suggestion de quoi? Pardon. Non, mais je viens de penser à un truc. En fait, les bagues là qu'on va essayer de récupérer, qu'elle avait offert à son ex. Ouais. Faudrait dire que vous allez vous marier du coup avec Laura. Ah, et je veux récupérer les bagues. Pour pas le mariage. Mal. Bah, pour ceux qui viennent d'arriver, justement, on va piéger Taï, donc qui est l'ex de Laura. Ils sont mariés pendant 4 ans. Ils sont séparés depuis un an et demi. Et bon, il est mécanicien, il est plutôt jaloux. Et que j'allais dire, ouais. Et donc, bah, tu lui avais offert une bague de fiançailles, inversement, forcément. Il a gardé les deux. Et du coup, bah, je lui demandais je vais lui demander, de me rendre les bagues. Parce que bah forcément, oui, ça vaut quand même 300 balles. Faut pas déconner non plus. Et que, accessoirement, c'est vrai qu'on pourrait effectivement se fiancer, Laura. Ça peut être pas mal. Tu ressembles à quoi toi au fait, Laura? Je suis blonde. Ouais, les yeux? Les yeux marrons. Les yeux marrons, d'accord, ok. Quelle taille, grande, petite? Oui, grande. Grande, genre à peu près? 1 mètre combien? 1m73. Ah oui, quand même, hein? Ah oui, 1m73. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Très bien, 1m73, ok, très bien, parfait. T'as des tatouages ou des trucs un peu perso? Oui, tatouages et piercings. T'as quoi? Trois tatouages et un piercing de la langue en ombril et au nez. Oui, oui, donc tu vas partout, toi. Ok, d'accord. Et les tatouilles, ça représente quoi et où? Cheville, avant-bras et au cou. Ça représente ma famille. Avant-bras et cou. D'accord, très bien. Bon, eh ben écoute, c'est parti, on va y aller. Toi, t'as pas grand-chose à faire, hein, dans l'absolu. C'est moi qui vais quasiment tout faire. Et puis, au besoin, je te demanderai de me filer un coup de main si jamais on va dire qu'on est chez moi à la maison. Et puis, voilà, c'est vraiment au cas où, d'accord. Et si jamais tu gagnes le cadeau, on ne le lui file pas, tu gardes tout, hein. Ah oui, non, c'est pour moi. Ah oui, oui, attends, enculé, on va pas nous faire chier, on pense en ses dents. Hein. Bon, oui, allez, c'est parti, on y va, on appelle Taï, bouge pas, c'est parti. Michel, nouveau mec de Laura. Allez. Mais à peau. Allez, Taï. Allô? Allô? Oui. Ouais, je parle bien à Taï, hein? Oui. Ouais, salut, c'est Michel. Dis-moi, on se connaît pas. En fait, je suis le nouveau mec de Laura. Bah, Laura. Bah, Laura, ton ex-femme. Ouais, d'accord. Ouais, tu remets là, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens très bien, oui. D'accord, ok, très bien. Voilà, bah écoute, bah tant mieux. Bah, en fait, je voulais te remercier pour ton ex. Puisque, enfin, elle m'a expliqué un petit peu que tu l'avais dégagé parce que tu pensais qu'elle t'avait trompé, tout ça, voilà. Et donc, comme c'est une meuf bien, bah voilà, je voulais te remercier de l'avoir dégagé, puisque du coup, maintenant, je peux la récupérer, quoi. D'accord, ok, mais de toute façon, mais quand on est salope à fond, hein, donc voilà. Non, mais attends, elle m'a expliqué aussi des trucs. Je veux dire, il y a un moment, t'es un peu con aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle te dit qu'elle a rien fait, toi, tu continues comme un idiot à rester bloqué sur ta vision. Enfin, voilà, c'est un peu bête, quoi. Mais bon, ouais, après. Okay, mais pourquoi tu me traites de con? On se connaît d'où? Non, on se connaît pas, justement. Là, voilà, moi, voilà. Je m'appelle Michel, toi, t'appelles Taï, comme le pays, je crois, c'est voilà, ça? Donc, enchanté. Et, bah, salut. On se respecte. Il y a juste un truc que je voulais. Il y a juste un truc. Par rapport, elle m'a dit qu'en fait, vous étiez fiancé, enfin, même marié, quoi. C'était ça, hein? Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, j'aurais récupéré les bagues. Parce que bah, nous aussi, on va le faire. Et donc, on peut faire une économie de 300 balles quand même. Ça peut, Tu vois, c'est bien quoi, dans le budget. Écoute, t'as qu'à lui demander la tienne, parce que moi, la mienne, de toute façon, je l'ai plus, je l'ai jetée. Ah non, mais parce qu'elle m'a dit qu'elle avait gardé, t'avais gardé les deux, en fait, hein, comme t'es un peu. Elle m'a dit que t'étais mécanicien, donc dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, ça bon, le mec, c'est un escroc. Oui, je suis mécanicien. Oui. Ouais, bah, comme tous les mécaniciens, tu. Voilà, enfin, on sait comment ça marche, les mécaniciens. Ouais, mais au pire, si tu veux récupérer la bague, tu sais quoi, j'ai des petites rondelles, tu sais, des petites bagues là pour les joints de vidange. Ah, mais elle m'a pas dit que t'étais clown aussi. Ah ben voilà, t'as vu. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, c'est pas, cela dit, c'est pas grave, hein, si tu les as pas, bah, c'est pas, on peut, je peux passer éventuellement, puis tu les rembourses quoi. Ça. Après tout, c'est elle qui les a payés. Hein. Ben oui, bien sûr, mais c'est bon, mais attention, elle a qu'à faire des photos cul, les bagues, si elle veut. Non, non, attends, t'es con quoi. Enfin, elle m'avait prévenu un petit peu que t'avais pas inventé la poudre, mais là, je m'en rends compte, hein. Non, je suis pas con. Si, un peu là quand même. Parce que moi je t'appelle gentiment pour essayer de qu'on s'arrange et tu sais, tu me prends de haut avec tes rondelles là, j'en suis pas pris pour en demeurer quoi. Bah écoute, les rondelles c'est bien aussi, non? Ouais, c'est bah tu continues à me prendre pour en demeurer. Il y a deux secondes tu dis ouais, on se respecte. En fait, t'en as rien à foutre quoi. Je t'appelle, j'essaye d'être tranquille, d'être poli, d'être bien et voilà, tu me prends pour un débile quoi, c'est ça? Non, j'ai bien l'impression que tu me prends pour un débile. Parce que le jour où je vais passer, c'est pas juste les bagues là que tu vas devoir payer, t'as compris? Ouais. C'est pas parce que tu t'appelles taille viette chinois, j'en ai rien à foutre, que ça change quelque chose. On va s'amuser tous les deux alors. Ah bah je te confirme, on va se marrer, ouais, bah ouais, là on va bien se marrer, ouais. Ouais, on va boxer un tout petit peu, on mettra les gants, t'inquiète. Ah non, mais moi j'ai pas besoin de gants, moi je fais ça en mode homme, hein. Moi j'ai pas une baltringue, moi. J'ai pas besoin qu'on me mette des gants, qu'on mette des petits trucs, qu'on mette un petit casque, etc. Qu'on mette un protège-dents, non, j'ai rien à foutre, moi. Ah ouais, tu te prends pour Bruce Lee alors? Ah non, je me prends pas pour Bruce Lee, moi, non, pas du tout, mais bon, tu sais bien, après, faut que je fasse ça. Face à toi, tu vois. Quand même. Ouais. Donc parce que là, t'es mécanicien, tu portes des petites des rondelles. Alors du coup, tu te la ramènes, là, c'est ça? Mais vas-y, mais tu te ramènes et comme ça, je te stève la gueule. Ouais. Bah alors du coup, tu prends l'argent parce qu'une fois que je t'aurai pété la gueule, après, tu pourras plus aller chercher l'argent. Donc tant qu'à faire, je préférerais récupérer. Et sincèrement, t'es où? T'es du Béarn? T'es du Pays Basque ou quoi? Tu crois à la fin du vierge toi ou pas? Mais t'es sérieux là? C'est quoi ces questions débiles là? Hein, on parlait des bagues, essaye pas de changer de sujet, tu viens d'où? Bah. T'inquiète pas, tu verras le jour où j'arriverai, t'inquiète. Est-ce que tu crois à la Vierge ou pas? Non, non, et. Le jour où tu me fous une branlée, la Sainte Vierge, elle va descendre du ciel, je te le dis. Oh là là, et qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Putain, elle m'avait dit que t'avais pas inventé la poudre, hein. Je l'ai déjà dit, mais là quand même, hein. Là c'est violent. Hein. Ouais, non, je suis pas violent, je suis arrivé là. Non, je dis c'est violent. Alors, il comprend rien en plus. Ah, c'est bien. Bon, allez, écoute, je te dis, à la limite, fais-moi un virement, comme ça on est tranquille, 200 balles, et puis la faire replier. Hein. Et franchement, je te fais un bon cadeau parce que c'est 300 euros, normalement, la bague. Hein, donc, tu me fais 300 balles, et puis on est tranquille. Mais donne-moi ton numéro de compte, comme ça je te fais un virement. Voilà. Ouais, bah très bien, t'as de quoi noter ou pas? Ouais, j'ai de quoi noter, ouais. Ouais, alors très bien, bah vas-y. Hein? C'est bon. Attends. Ouais. Attends, pardon, je vais faire un stylo. Vas-y. Donne-moi ton numéro de compte. Alors, c'est FR. Ouais. Voilà, 92. Ouais. Voilà, 1500. Bien sûr. Quoi, bien sûr? Ouais. Voilà, donc 27, 18. Ouais. Alors, attends, 27, 18. 84. Ouais. 42. Bien sûr, il n'y en a pas d'autres encore. C'est un numéro IBAN en fait. T'as jamais utilisé ça ta vie ou quoi? T'es complètement demeuré. Tu veux quoi? Tu veux m'envoyer de l'argent comment? Avec un pigeon? Avec quoi? Dis-moi, hein, parce que sinon, tu sais, on peut s'envoyer deux pigeons, puis comme ça, ils vont se retrouver et puis ils vont faire le deal. Hein, ils vont prendre les petits billets dans leurs pattes et puis voilà, chacun va revenir. Je suis pour les dromadaires, moi. Ah, t'es pour les dromadaires, ouais, d'accord, ok. Ouais. T'es pour la connerie aussi, toi, un petit peu, là, non? Ouais, non, les dromadaires, c'est bien. C'est un peu plus long. Ouais, destination quand même. Hein. Ouais, c'est un peu con comme toi, quoi, c'est ça, en fait, t'essaies de dire. Voilà. Ah, d'accord, ok, voilà. On est nés la même date, non, peut-être? Ouais, très bien. Ça doit être ça, Bon, écoute, tu sais quoi? Moi, après, tu sais, je suis pas rancunier, globalement. Hein, donc voilà, ce qu'on va faire, à la limite, c'est qu'effectivement, tu vas payer, puisque visiblement, tu étais d'accord, donc tant mieux. Et, pour prouver ma bonne foi, je t'inviterai au mariage. Mais qui te dit que je suis d'accord? Et ton mariage, j'en ai rien à foutre, ton putain de mariage de merde. Bah arrête un peu de dire des conneries comme ça, là. Je sais que t'as envie de venir. Ça s'entend dans ta voix. Ça s'entend dans ta voix que t'as envie de venir et t'oses pas le dire parce que t'es une baltringue. Ouais, carrément. C'est le top. Ah ouais, c'est le top, ouais. C'est le top. Ouais, je bande déjà. Ah ouais, bah attends, donc t'es gay en fait, c'est ça l'histoire. Ouais, non, mais écoute, c'est quoi, en étant poliment, tu vas te faire foutre. Ah ouais, d'accord, okay. Alors, en plus, t'as vu, voilà. Parce que moi j'avais même prévu de mettre Tarkan pour toi, parce qu'elle m'a dit que t'étais turc, donc je me suis dit, on va mettre Tarkan avec le bisou là, et puis tu vas être content quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ça t'aura pas fait plaisir. Ouais, bah si tu veux. Bah vas-y, on se donne rendez-vous quand alors ? Vas-y, espèce de ta fiole. Eh bah écoute, je vais te rappeler. Déjà, respecte un petit peu quand même. Hein. Je crois que c'est toi au début qui disais on se respecte, tu me respectes, je te respecte. Non, okay, tu vois ? T'as oublié ça ? Ok, je reviens là-dessus. Là, tu seras enculé. Oh là, avec quelle classe. Oh bah la classe, putain. D'accord. Mais écoute, le jour où on se voit, t'inquiète pas, tu sais quoi ? Mais je ferai une salade de riz avec ta tête. Ah, tu manges du riz alors ? Je me disais bien qu'il y avait un côté thaïlandais un peu asiatique, les non les thaïs, ils mangent du riz, non? Ah ouais, d'accord, parce que t'es thaï maintenant. Ouais. Ah mais non, t'es thaï. Espèce de petit con, là. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais quoi? Je vais te laisser une chance, oui. Excuse-toi pour tout ça et je viens pas te mettre mon poing sur la gueule. D'accord, va te faire enculer alors. Non, excuse-toi et je te mets pas mon poing sur la gueule. Ben, va te faire enculer. Non, bah, attends, vas-y, je te laisse encore une chance. Excuse-toi et je te mets pas mon poing sur la gueule. Mais il va te faire enculer trois fois. D'accord, donc tu fais le malin là, c'est ça? Non, je fais pas le malin. Si, tu fais le malin. Ah, attends. Le jour où je te vois, je te défonce, je t'éclate. Mais tu vas rien faire. Je te fais sortir les yeux des orbites, mon petit. Mais tu vas rien faire. Mais tu vas te pisser dessus comme tous les autres. Ouais, les petits cons comme toi, c'est quoi, je les mange tous les matins. Mais je crois que tu sais pas à qui tu parles, mec. Et toi, tu sais qui tu parles, toi? Ouais, un thaï, c'est ça? Tu m'as déjà vu? Un mécanicien, là, un mécanicien qui se la ramène parce qu'il répare des voitures en roulant tout le monde, c'est ça? Ben ouais, tu fais quoi, toi, comme métier? Moi, je suis chômeur. Un chier de base, quoi. C'est-à-dire un enculé de base qui fait chier tout le monde, quoi. Moi, je suis chômeur, et alors, c'est quoi? T'es chômeur? Ouais. Ah, de toute façon, ça m'étonne pas du tout. Non, oui, de toute façon, ça m'étonne pas du tout. Bah oui. Pourquoi tu crois que je te demande le retour de la bague, alors? Putain, je te jure, oh là là. Ben voilà, on va travailler un peu pour payer les bagues. Ah c'est facile ça en même temps. C'est facile à dire. Oui, c'est facile. Ouais. C'est facile à dire. Va bosser, c'est comme tout le monde. Lève-toi 6h du matin pour aller bosser un peu. Ben ça sert à rien parce que tu bosses pour moi là. Il est con celui-là. Pourquoi est-ce que j'irais travailler pour gagner la même chose que ce que tu me files? Pourquoi j'irais travailler pour te filer ce que tu me files? Tu me laisses parler là, s'il te plaît. Eh, pourquoi je ferais ça? T'es en train de payer pour mon chômage? Pourquoi j'irais me faire chier à me lever? J'ai horreur qu'on me coupe la parole. Ouais, mais pourquoi alors? Vas-y, explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi. Mais ta putain de gueule de merde. Mais ramène-toi et je te explique la gueule de suite là. Explique-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que je devrais me lever le matin pour aller travailler pour gagner la même chose alors que tu travailles pour moi? Mais parce que t'es un pauvre con, t'es un minable, t'es un putain. Ah ouais, c'est pour ça alors. T'es un SDF, t'es un vaurien. Putain, elle m'avait bien dit que t'avais une bite d'asiatique, de thaïlandais, c'est-à-dire petite. Tu sais quoi? Même mon chien, la petite crotte qu'il fait, je préfère la ramasser que te ramasser toi. Waouh. Putain, j'espère que tu frappes mieux que ce que tu me parles, hein, parce que sinon. T'inquiète pas, je vais frapper. Ah ouais, mais vas-y, ramène-toi. Donc globalement, ça sert à rien que je me lève, quoi. Ça sert à rien que je me lève, c'est ça? Ça sert à rien que je me lève. Dis-moi. Donc ça sert à rien que je me lève. Donc t'es d'accord avec moi, ça sert à rien que je me lève. Hein? C'est vraiment une postage. Ouais, ça doit être ça. Même au décapant, ça sort pas ce que t'as dans le cerveau. Ça, le mécanicien, va, clochard. Pourquoi, putain? Non, il n'y a pas de putain, il n'y a que des femmes qui travaillent. Mais toi, tu ne travailles pas. Oh là là, mais oh là là, avec ces petites phrases toutes faites, là, tu les as trouvées sur Internet et tout, c'est triste. Ouais, bah, sur Internet, non. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller sur Internet. Ouais, bon, on dirait. Regarde, là, ça fait un quart d'heure, t'es en train de me parler, là. C'est bien la preuve que t'as le temps. Pour piquer les femmes des autres et pour aller sur Internet, tu dois être fort, ça c'est clair. C'est magnifique. Ouais, c'est le talent, c'est le physique, c'est tout ce que t'as pas, quoi. Ça te plaît d'être bouffon comme ça. Il y a que les bouffons qui font des trucs comme ça. Ah ouais, ça doit être ça, Mais moi, la différence avec toi, c'est que j'ai la classe. J'ai peut-être pas de boulot, mais j'ai la classe. Et ça, c'est un truc qui s'achète pas. Quelle classe? Ouais, c'est la classe, mec. C'est parce que tu peux pas savoir de quoi je parle. T'appelles ça avoir de la classe, toi? Ouais, c'est la classe. Être payé par les gens qui travaillent, t'appelles ça avoir de la classe? Ouais. C'est bien. Eh, tu sais quoi? Mais t'as rien compris à la vie, toi. Eh, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Il y a un pote qui m'a appris un mot dans ta langue. Je vais te le dire, c'est pitch. Voilà, je pense que tu vas comprendre. T'as vu? Ouais, moi je vais dire pitch book. C'est le con, là. Espèce de con. Vraiment l'abruti. Oh là là là. Mais dis-moi, on se voit quand? Allez, vas-y, on se voit quand? Et c'est quoi comme ça? Et c'est quoi? On se voit face à face. Je t'emmène les sous pour les bagues. Mais bah voilà, nickel. Ah bah voilà, bah on fait ça, ça alors. Ah bah donne-moi un rendez-vous, moi je viens, hein. C'est où? Ah bah écoute, demain. Ah bah demain, très bien, vas-y, où ça? À Pau. Ouais, non, mais ça je me doute bien, on va pas aller à Paris, hein, mais où? Bah mais ça c'est sûr, tête de neuf. Bon alors, où à ça? Pau, au centre-ville de Pau, ça te dit, demain, à 14h? Ah bah très bien, t'as pas un autre endroit un peu plus précis que centre-ville? Place Clémenceau, ça te va? Eh ben si tu veux, eh ben tu sais quoi, pour sceller notre nouvelle amitié, je t'amènerai les lourdes. Voilà. On fait comme et, ça. Et prends-toi quand même un protège, t'es un protège. Mais t'inquiète pas. Pff, moi je frappe avec les paroles, tu vas voir. Non mais ça marche, on fait comme ça. Eh ben parfait. Eh ben 14h. Et écoute, pour que je te reconnaisse, j'ai habillé en clown. C'est drôle ça. Ah ouais, mais t'as qu'à venir, toi t'as le nez rouge à mon avis, toi c'est facile. Hein. J'essaierai de te retrouver à ta petite bite, ça devrait aller à mon avis. Ah bah écoute, mais c'est quoi, moi je viens avec la petite bite et toi tu viens bien en clown. Eh ben voilà, on fait comme ça, on se retrouve demain alors. Très bien, ouais. Ça marche. Allez, salut Peach. Allez, salut Télé. Ciao. Eh ben voilà, c'est l'affaire qui roule. Très sympa. C'était beau. Oh, il a mis un peu de temps à démarrer, mais en fait, je savais pas. J'étais en train de le chauffer de toutes les manières possibles. Je me dis à un moment, j'ai failli dire bon bah tant pis, ça marche pas. Et puis le mec a démarré juste parce que je lui coupais la parole. Ah ouais, c'est il aime pas. Hein. Comme quoi, tu vois, finalement, ça tient à pas grand chose, hein, finalement. Hein. Bon. Non, mais c'est pas trop énervé. Hein. Ah bon? Bon, ça va quand même. Ouais, hein. Ouais. Si, ça va, ouais, ça va. Ouais, d'habitude, il est horrible. Ah bon? Ah bah écoute, non, bon franchement, non, je trouvais que ça allait. Bon, alors qu'est-ce que j'allais dire? Tu veux qu'on le rappelle pour lui dire que c'est une vanne ou tu veux le laisser mijoter? Ah non, on le laisse. Oh. Il va aller à la fin de bah très bien, je rappelle au cas où, donc je suis Toph, hein, T-O-P-H, si jamais il m'écoute, si Taï écoute l'émission évidemment, c'est T-O-P-H, c'est lui qu'il faut frapper bien entendu, hein. Il se trouve à Paris, voilà, rue Boileau, n'hésitons pas évidemment. Bon, tu vois Laura, finalement t'as rien foutu, t'as gagné, c'est quand même sympa. Oh ouais, je suis trop contente. C'est un jeu trouvé par Amina. Évidemment. Ah non, bah non, il était exceptionnel, donc c'est toi qui l'as trouvé. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, Samsung Galaxy Tab E ou console, tu veux quoi du coup alors, Laura? Console. Et bah voilà, PS4 pour toi, tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées avec Seba. Et puis bah passe une bonne soirée. Et puis merci d'avoir appelé, hein. Merci à vous. Salut Laura. Ah ouais, et juste pour info, Peach c'est bâtard en turc. Ah d'accord. Parce que je disais ça, après c'est vrai que j'ai pas traduit, mais bon. Gros bisous Laura. Gros bisous. Bon, et si vous avez aussi envie de participer, par exemple, si vous voulez aussi jouer et piéger votre ex, vous êtes évidemment les bienvenus, hein, si vous voulez jouer avec nous. 01 40 71 5000. On écoute Sac Noël et Chana Paul. On récupère Samuel, Vanessa et Octa dans un instant. Et on se fait aussi les appels mal intentionnés. Il est 1h30, on est au cœur de la nuit sans pub sur Énergie. Yo, c'est la gala with the big tic-tac. She fait gimme the. Head to the floor, girl, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste of time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. The trumpets blow. Sing it on a comedy. And them say you have the comedy. Some me won't get some and come trouble. Bust two buckle of the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot she a bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pony body me take up a permanent residence. explore. Énergie, 1h34 du matin, bien sûr, évidemment. On est là au cœur de la nuit sans pub. Et Thomas aussi, 27, qui dit salut mec, c'est parti. Ah oui, 4h, pardon, je l'avais déjà lu le message, autant pour moi. Bref, en gros, il était content qu'on soit lâché à 4h. La nuit te fait peur. Mais pourquoi ? Les cauchemars, les sueurs froides, des monstres, des ombres dans le noir. De quoi as-tu peur ? La nuit sombre et solitaire. Des sorcières, des fantômes. La tête de teuf. Que d'horreurs apparaissent la nuit. De quoi as-tu peur ? Et ces bruits, d'où viennent ces bruits ? Une impression, une sensation. Frissons lugubres. Dans la pénombre. Les pires choses peuvent arriver. Tu le sais. Alors, cache-toi. Ils arrivent. Mickaël. Toff, Polo et Amina. Toutes les nuits de minuit à 4 heures sur Énergie. Oui, ça fait peur, ça fait très peur même. N'oubliez pas le hashtag Mickaël, M-I-K-L, vous offre FIFA 17 sur Énergie. Bah, tweetez-le au max. J'en ai vu un par tout à l'heure qui tweetait hashtag Mickaël, espace FIFA 17, espace arrobas Énergie. Et il l'a mis plein de fois, il mettait des numéros. Genre, j'ai tweeté une fois, deux fois, trois fois. Je lui ai quand même envoyé un message en disant qu'il pouvait le tweeter un milliard de fois s'il voulait. C'était pas le bon hashtag. Donc, vérifiez bien que ce soit le bon hashtag, c'est pas compliqué. Hein. C'est dommage. Voilà. Bah oui, ce serait con, effectivement. Ouais. Et venez aussi faire un follow sur le compte de l'émission si jamais c'est pas encore fait. Sur mon compte d'ailleurs, c'est M-I-K-L officiel. On va se faire les appels mal intentionnés dans quelques minutes. Avant ça, on va prendre Octa qui est avec nous à Wavre, en Belgique, tout près de Bruxelles. Salut Octa! Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ben ça va, ça va. Et il y a juste les flics qui viennent de passer. Eh ben, donc, tant mieux. On a de la chance. Bah surtout non, toi, hein, en fait, parce que moi ça va. Je me suis garé à un endroit un peu dans un parc, une sorte de parc. Et ouais. Du coup, comme ça fait longtemps que j'attends, ben, ils sont passés pour vérifier que... Ah d'accord, ouais. Quoi, ils t'ont contrôlé ? Ouais, ouais, ils m'ont contrôlé et j'ai expliqué la situation. Et quoi, t'es dit que t'allais passer à la radio ? Ouais, j'ai montré le téléphone et tout, et ils sont partis. Voilà. Ah d'accord, ok. Bon, bah écoute, on les embrasse s'ils écoutent l'émission, hein, pas de problème. Ouais, peut-être. Bon, alors du coup, Octa, raconte un petit peu, tu voulais réagir par rapport à ce dont on parlait en début d'émission, justement. C'est-à-dire le fait de rendre service, tout part à la base d'un prof de l'université de Bologne en Italie qui a dit à ses élèves, si vous voulez tricher à vos examens et copier sur les autres, pas de problème, je ne vous dirai rien. Ce prof génial, évidemment, que tout le monde aurait bien voulu avoir à un moment ou à un autre, a expliqué qu'il ne pouvait pas empêcher ses élèves de tricher s'il le voulait, donc voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il se dit, bah, puisque je peux pas les en empêcher, et ben du coup je vais les autoriser à le faire. Et donc du coup je voulais savoir si voilà, un prof vous avait déjà rendu service ou si vous aviez déjà rendu service à des gens en règle générale. Et donc Octa, quelle est ton histoire? Eh bien, bon, moi déjà j'en ai plein des qui seraient intéressantes, mais je vais juste en raconter une d'accord, particulièrement dans un établissement que toi-même tu as fréquenté. Ah bon ? Si je me souviens bien, Institut Saint-Joseph. Ah oui, oui, oui, oui, institut de... Enfin, bon, ouais, c'est une école, quoi. Oui, institut, oui, c'est voilà, pas enfin, un oui, institut oui. Pour les débiles. Hein. Non, enfin, les débiles, ça, c'est ça qui s'appelle. Tout à fait, et, mais on se connaît voilà, ou quoi, Octa, là ? Non, mais je vous écoute depuis... Ah oui, je l'avais déjà dit, ouais, que j'avais été à cette école-là, c'est vrai, c'est vrai. Depuis une éternité, genre... N'abuse pas une éternité, ça fait pas... Depuis Sandro, depuis... Ah oui, depuis l'émission sans interdit, quoi. Ouais, depuis ah ouais. Très longtemps. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Bon, bah écoute. Eh bah écoute, bah nickel. Alors, bon, bah, du coup, j'étais effectivement à cette école-là, et alors raconte. Eh bien, moi j'étais en fin de quatrième, donc ouais. En humanité, et bon, je me démarrais encore pas trop mal. C'était en section transition en électromécanique. D'accord. J'avais un peu négocié mes examens pour que, bon, essayer de passer l'année. Tu comment ça, t'as négocié tes examens? Qu'est-ce que ça veut dire? J'étudiais pas vraiment, donc j'essayais toujours de me débrouiller pour être voilà, pour avoir mes points, et bon, en général ça passait bien selon les matières, mais en néerlandais, Ouais. Oui, ah oui, oui, parce qu'à Bruxelles, il faut le savoir qu'effectivement, il y a, bon, il y a des cours d'anglais, il y a des cours de français, il y a des cours de néerlandais également. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, dans cette magnifique langue, ce cours de cette belle langue, il s'est passé quoi? Rien du tout. Rien du tout. J'ai jamais rien étudié. Ça rentrait pas. Il n'y avait rien à faire. J'avais un blocage avec ça. Et on a eu changement de prof pendant l'année, 3 fois. Et sur la dernière remplaçante qui est venue, bon, moi j'ai été le cours, faut savoir que bon, quand elle donnait cours, il y avait des avions qui volaient dans la classe, il y avait rien, donc tout le monde s'en foutait un peu, sauf que les autres, bon, ils se débrouillaient un peu mieux que moi. En tout cas, ils faisaient l'effort. Et je me présente donc à l'examen oral, donc c'est un tête-à-tête avec le prof. Ouais. Et je lui dis très clairement, écoutez, voilà, ça s'est pas très bien passé pendant l'année, et je lui dis, j'ai rien préparé, je suis venu les mains vides. Et alors, bon, elle fait un effort, elle me dit, écoute, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu habites. J'essaie de donner les phrases en néerlandais. Ouais. Et bon, je fais même des erreurs sur ça. Et bon, au bout de 15 minutes, elle comprend que ça ira pas plus loin. Elle me dit, bon, c'est bon, tu peux y aller. Et bon, moi, je comme un condamné à mort, je pars. Et avec la boule, et puis, ils sont en train de tirer la chaîne. Avec la boule, le vêtement orange. Et puis. Exactement. Et en fait, elle m'a donné mes points. Elle m'a donné 50% pour avoir juste. Ouais, elle m'a donné des points. Par sympathie, ouais. Et gentillesse, et ça, c'est beau. Putain. Et, ouais, et le pire dans l'histoire, c'est que t'en as parfois qui ratent, alors qu'il manque un point. Alors qu'ils ont travaillé comme des chiens, mais voilà, ils ont pas eu de chance. Ils ont eu un coup de stress, tout ça. Et ils se font dégager. Ça alors. Bon, t'as eu de la chance, ouais. Hein. Mais. Elle m'a mis juste la moyenne pour vraiment pas me bloquer sur mes études, parce qu'elle savait que dans la branche que moi j'exerçais, ça se passait très bien. Donc elle voulait pas me bloquer une année. Ouais, bon, c'est cool. Sur ça, et elle a vraiment, vraiment, vraiment été très cool. J'ai acheté des chocolats. Oh, putain, d'accord, ok. Moralité, si vous voulez tricher un examen, achetez un paquet de chocolat pour votre prof. Normalement, par ça devrait marcher. Non, par la suite. Ah, par la suite, c'est pour la remercier, oui, d'accord, bien sûr, ok. Bien sûr, bon, toi, il l'aurait baisé pour la remercier. Hein. Oh. Ah, bah oui. Ouais, non, mais même connaissant toi, non, c'était. Ah, c'était pas possible. Ah, oui, d'accord, ok. Parce que toi, il était sa prof de maths. Hein. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'elle était bonne. Ah, ouais. Je pense encore à son petit cul moulé dans son pantalon, au tableau. Ouais, enfin, pareil, bref. Pareil, j'ai eu le coup aussi. Ouais, bah, très bien. Oui, je t'en kiffe sur ma prof de maths, Amina, c'est pas grave. Ouais, j'ai rien dit. Amina a l'air choquée. Tu disais quoi, Octa? Par rapport au deuxième point, donc de rendre un service, là, ouais. C'est une histoire un petit peu plus longue, mais un petit peu plus intéressante. Va droit au but, hein, n'hésite pas, Octa. Mmh. Ouais, alors, j'avais un ami de très longue date, on se connaissait depuis 19 ans, ami de la famille, qui est plus âgé que moi, qui a maintenant la quarantaine. Ouais. Passé. Tu vois pourquoi je disais va droit au but? Parce que tu vois, quarantaine, tout ça, aujourd'hui, on s'en fout. Enfin, sauf si c'est un rapport en particulier. Non, c'est juste que bon, on se connaissait depuis vraiment très très longtemps. Et le gars, il faisait un peu le tour du monde. On se voyait rarement, mais bon, quand on se voyait, c'était toujours la fête. Rarement. Ouais. Etc. Et puis, à un moment, il se retrouve en Amérique du Sud. Et il me dit, tiens, je reviendrai bien vers l'Europe. Pourquoi pas? Bon, il me fait toute son histoire. Il me raconte que gauche, droite, c'est compliqué, les transactions, les cartes et autres. Je lui paye son ticket d'avion. Et t'es jamais il me dit, ouais, mais j'ai pas de logement. Je pars de mon appartement pour vivre avec ma copine. Je lui laisse mon appartement. Trop bon, trop bon. Bon, voilà. En gros, après, il était là. Il m'a dit, oui, j'ai une cliente qui doit me faire un virement, etc. Est-ce que je peux pas utiliser le compte de ta copine? Bref. En gros, le gars, j'ai dû le virer de chez moi. Parce qu'il avait volé dans le portefeuille de ma copine 50 000 euros sur la fin. Et je suis en dette avec lui de plus de 2 000 euros, mais bon, je ne sais plus jamais, bien sûr. Hein, il me doit plus de 2 000 euros. Et en fait, il s'était domicilié dans mon domicile, et ça, je voulais pas, je lui avais demandé de ne pas le faire, donc j'ai essayé de porter plainte pour le faire dégager et autres. Et c'est là où j'ai appris qu'il était en dette familiale de plus de 20 000 euros, quelque chose comme ça, recherché par Interpol, mais aussi non. Également. Escroquerie notoire, abus de confiance, vol de diamants, transfert, etc. Et en fait, il fait le tour du monde et il abuse de la confiance des personnes qui gagnent. Ah ouais. C'est grave, c'est des femmes. Mais moi, il me l'a fait alors qu'on se connaissait depuis 19 ans. Ah, mais ça m'étonne pas. Mais il y en a comme ça qui abusent. Ils le font exprès. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ils connaissent et puis ils le font exprès. On connaît pas ton pote par hasard. On pense savoir qui c'est. Ouais, c'est peut-être Seba au standard, non? Non. Ah bon, écoute, on aurait pu imaginer en tout cas. Bah écoute, merci Octa pour les petites histoires. Comme quoi, faut jamais faire confiance. Hein. Même aux amis, voilà, visiblement, ouais. Ça roule. Bon, bah merci Octa, tu rappelles quand tu veux. Ouais, juste une petite dédicace à mon pote Génome et Toff, t'es le meilleur. Voilà. Très bien. Merci. Et bah le message est passé. Salut à toi, Octa. Bon, on se fait les appels mal intentionnés, on est un peu à la bourre. On va se faire ça juste après le son de Sound of Legend. Et on va également jouer au jeu des chips et des lettres. Eh oui. Eh oui. Ah. avec FIFA 17 à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, 01 40 71 5000. Toff aura des chips en bouche. Il va tenter de vous faire deviner des mots. Pas très compliqué le principe. Hein. 01 40 71 5000. Sound of Legend. On écoute ça maintenant. On est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie. Il est 1h43. On est sur Énergie, je vous mets le son de Sia dans un instant et Fala Freddy. Il est cool ce morceau, j'aime bien. Pourtant quand t'entends le nom le nom de la chanson, c'est Fada Freddy, tu dis oh putain ça a encore été un truc de merde ça. Et putain le morceau il vient. C'est une chanson comme ça, tu l'entends, t'as envie de prendre une petite bouteille de champagne et tu l'éclates sur la gueule de Toff. Parfois on est perdu. On cherche son chemin. Ah, c'est vrai. On se sent seul et abandonné. Ne t'inquiète pas. Tous les chemins mènent à Mickaël. Mickaël est sur Énergie. Tous les soirs de minuit à 4h. Tu sais, c'est un peu comme quand tu baptises un bateau. C'est ça. Et ben tu prendrais. Bam! C'est un peu dangereux quand même. Non, mais c'est dangereux. C'est mais oui, mais non, mais d'accord, mais ne le faites pas chez vous. Nous, on est une équipe de professionnels, on peut le faire. Nous sommes équipés pour. Ah oui, c'est vrai. Évidemment, voilà, mais évidemment, à ne pas faire chez vous, bien entendu. Sauf si Toff est chez vous. Et sauf si Toff est chez vous, bien sûr. Je tiens à saluer dans la communauté Twitter l'arrivée de Jackie. Jackie, notre consultant routier, bien entendu, hein, fidèle à lui-même d'ailleurs. Et donc voilà, il est là, il est, c'est Jackie Énergie. Alors, mec, il s'est pas fait chier. Hein. Non mais. Donc voilà, il est sur Twitter, il follow tout le monde, hein, sauf Amina. Sauf moi, donc je ne te salue pas, Jackie. Amina, allez follow Amina. Jackie, follow Amina. Elle est triste. Merci. Vas-y, fais-lui plaise. Bon, on va se faire les appels mal intentionnés maintenant. Nique ta mère, fils de pute, fils de pute. Nique ta grand-mère, le chat de la ronde de ta mère, la pute. Enculé, enculé, sale bâtard, sale bâtard. Je te nique le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Voilà, donc le générique étant passé, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc oubliez tout ce que vous avez vu dans Top Chef, Master Chef et toutes les autres émissions dans le style, et toutes les émissions culinaires globalement d'ailleurs, hein, puisque Paul Fotenauer, c'est un infirmier originaire de San Francisco aux États-Unis, a publié un livre intitulé Natural Harvest. Alors c'est un livre de recettes entièrement à base de sperme. 100% garanti, sans gluten pour l'eau. Sa femme a testé et a validé tous les plats du livre, donc ça se mange invisiblement, hein. Et donc Tof, tu as vérifié avec les gens que tu vas appeler pour voir si effectivement leur femme aime le goût du sperme. Bah oui, allons-y. Bon, et ben très bien, on y va, c'est parti. On appelle maintenant grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof. C'est toph@energie.com. T'es prêt? T'es prêt? Bah oui, je suis prêt. Allez, on y va. C'est en train de regarder des salopes là. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme elle est satisfaite par le goût de votre sperme, monsieur. Eh ouais, t'as que ça à foutre, ce fils de pute. Oh, monsieur, enfin, passez entre nous. Ouais, allez, nique ta mère, mon gars. Va te reculer, d'accord? Oh non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil. Ouais, c'est bien beau d'appeler par téléphone et venir en face de moi, ce petit chien. Oh non, monsieur, non, dites pas ça. Vas-y, nique ta mère, y en a qui bossent, bâtard, ok? Tu vas te faire enculer, tu casses pas les couilles, c'est clair? Bah oui, mais répondez à ma question alors, monsieur. Mais nique ta mère, sale fils de pute, putain, tu poses des questions de merde, mais va te faire enculer, mais va sauter ta femme, et puis tu gicles en pleine gueule et tu me dis si elle aime ou pas, fils de pute. Mais j'ai pas de femme, monsieur, donc je peux pas faire ça. Eh bah c'est bien, bah, tape-toi une queue, puis gicle-toi dans la gueule, et puis tu goûtes, connard. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est si votre femme, elle est satisfaite par le goût de votre sperme, monsieur. Putain, mais t'as que ça à foutre à casser les couilles aux gens à cette heure-là, toi, ou quoi? Ah bah oui, si j'avais autre chose à faire, monsieur, je vous appellerais pas. Mais va te faire enculer, c'est clair, va te faire foutre. Bah non, monsieur, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Parce que ça a aucun rapport avec la question. Espèce de connard, tu m'appelles le soir et tu me demandes une question de merde, t'as que ça qu'à foutre, ou quoi? Bah oui, je viens de vous le dire, monsieur, que j'avais que ça à faire. Eh bien, fais chier d'autres gens, mais casse-moi pas les couilles à moi. Mais je vous casse pas les couilles, monsieur, je vous pose une question. Mais putain, mais c'est quoi ta question de merde? Mais va te faire foutre avec ta question de merde. Bah, ma question, c'est de savoir si votre femme, elle aime bien le goût de votre sperme, monsieur, c'est tout. Putain, mais quel bâtard celui-là. Eh, mais va te faire enculer. Au pire, tu sais quoi? Regarde, tu viens devant chez moi, mon gars, puis tu me demandes en face, t'as compris? Bah oui, mais je veux pas venir jusque chez vous, juste pour ça, monsieur. Eh ben, c'est bien, et eh ben alors casse-moi pas les couilles au téléphone juste pour ça non plus. Oh non. Oh non, monsieur, dites pas ça, c'est pas gentil. Ouais, va te faire enculer. Oh non, monsieur, non, arrêtez. Ah, si jamais les gens se posaient des questions, nous étions bien dans le Nord. Hein, le célèbre j'ai pas que ça qu'à foutre. Évidemment, ça peut venir que de quelqu'un du Nord. Hein, en général, c'est leur expression. Hein, j'ai pas que ça qu'à foutre. Ah bah, c'est voilà. Bon, très belle expression. On rappelle. C'est parti. Allô. Oui, je m'excuse, monsieur. On a été coupé. Vous avez pas répondu à ma question. Non, on n'a pas été coupé, connard. J'ai raccroché. Enculé, c'est clair. Ça. Bah, ça se fait pas, monsieur. Enfin, on raccroche pas au nez des gens comme ça. Non, quand je prenais des gens comme ça, mais on n'appelle pas des gens pour leur casser les couilles comme ça non plus. Bah, je vous casse pas les couilles, monsieur, je vous pose juste une question. Oh là là, mais Carla Tolan cul, ta question. Oh non, monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Attendez, moi je vous appelle gentiment, je vous pose une question et vous, vous êtes désagréable et vulgaire, ça se fait pas quand même, monsieur. Et moi je vais t'appeler gentiment, je vais te poser une question de merde et puis tu vas me dire quoi peut-être? Bah, d'abord, je vous pose pas une question de merde et puis si votre question, moi j'y répondrai, monsieur. Ouais, bah ouais, puis t'appelles en masqué d'ailleurs. Ouais, ça tombe bien. Bah, je peux vous donner mon numéro si vous voulez, monsieur, y'a pas de problème. Bah, vas-y. Alors, c'est le 01. Ouais. 40. Ouais. 71. Ouais. 50. Ouais. 00. Ouais. Voilà, moi, je veux ton numéro de portable, connard. Mais j'ai pas de portable, maman, elle veut pas. Mais ouais, non, mais tu prends trop les gens pour des comptes, en fait. Mais pas du tout. Pourquoi je vous prendrais pour un con, monsieur? Moi, j'oserais pas. Mais oui. Allez, salut. Bah, non, allô. Bon, il veut pas parler avec toi, visiblement. Hein. Bah, j'en ai bien l'impression. On va quand même le rappeler. Ouais. Oui, je suis vraiment désolé, monsieur, on a encore été coupé. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bah oui, parce que du coup, vous avez pas répondu, et du coup, je sais toujours pas si votre femme, elle aime le goût de votre sperme. Je sais pas, bah attends, regarde, elle est à côté de moi, tu lui demandes? Bah oui, si vous voulez. Non, bah, elle veut pas répondre. Bah oui, mais comment on fait alors? Elle a dit qu'elle parlait pas au connard. Bah, ce que tu fais, c'est que je vais raccrocher, puis tu vas pas me rappeler, d'accord? Bah oui, mais vous avez pas répondu, je vais être obligé de vous rappeler, monsieur. Oh putain, on avait entendu la meuf. Oh ta gueule! Oh ta gueule! Bon, rappel. jour. Ah, c'est vous êtes sur la messagerie. Eh ben voilà, tant pis. On en fera l'autre dans moins d'une heure, c'est pas grave. Si vous avez notre numéro de téléphone, envoyez-les sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. On récupère Vanessa, Samuel, Christophe et Seb à Lyon. Dans quelques secondes, juste le temps d'écouter le son de Sia maintenant. The Greatest sur Énergie. Il est 1h53, c'est Mickaël, au cœur de la nuit sans pub. On est là tranquillement jusqu'à 4h du matin, comme tous les soirs du lundi au jeudi. Allez, bonne soirée tout le monde, 1h56. Nouvelle équipe, nouveaux horaires, nouveaux cadeaux, nouveaux studios, nouveaux casques, nouveaux micros, nouveaux standardistes, nouvelles photos. Mickaël, Tof, Polo et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Tof a toujours une sale gueule et ça ne changera pas. Dommage, vraiment dommage. Et on a pourtant fait beaucoup de choses pour que ça change, mais malheureusement, bon bah qu'est-ce que vous voulez, on peut pas toujours réussir. Pour mon bac pro, l'école nous inscrivait d'office à l'épreuve d'anglais oral. Nous, on en avait rien à foutre, mais les profs qui faisaient passer les épreuves nous proposaient des arrangements. Oh là là là là là là, c'est quand même un truc de ouf ça quand même. On va prendre Vanessa qui est avec nous à Paris maintenant, 22 ans. Coucou Vanessa. Coucou. Coucou. Comment ça va Vanessa? Ça va et vous? Bah oui, ça va bien, ouais, tranquille. Alors Vanessa, raconte un petit peu, t'as déjà rendu des services, tout ça, ça s'est bien ou mal fini? Alors, on m'a rendu un service. Ouais. Et ça m'a vraiment, vraiment sauvé la vie, donc voilà. Alors, explique. Enfin, sauver la vie entre guillemets. En fait, c'était il y a quelques semaines. Enfin, il y a trois semaines. Ouais. J'étais partie en Italie pour les vacances. Et en fait, j'avais fait la folle. En fait, j'avais acheté mais vraiment, vraiment, vraiment plein de trucs. Mais tout ce qui est possible et imaginable, même ce qui n'est pas imaginable, j'avais acheté. D'accord. Et le problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui n'est pas imaginable? Un éléphant. Mais c'est façon de parler. Avec 5 têtes. Oh, il était raté, on dirait Amina. Mais non, pardon. J'étais d'accord avec toi en plus. Oh là là. Mais non, mais parce que peut-être qu'elle a elle dit qu'elle a acheté des trucs inimaginables, peut-être qu'elle a acheté des trucs surréalistes, mais je sais pas quoi. Oui, une licorne, un centaure. Mais non. T'as acheté quoi? Non. Mais non, elle nous le vend comme si c'était extraordinaire, c'est pour ça que moi ça m'intéressait de savoir quel produit elle avait acheté. T'as acheté quoi? Non, pas du tout. Des fusils, je sais pas, quoi, t'as acheté quoi? Non, franchement, non, c'est juste que j'ai ramené, je sais pas, j'ai ramené, je crois, une valise et demie de pâtes. De quoi? De pâtes. Ouais. De pâtes? Mais t'as pas autre chose à dire. Il y en a en France, hein, Il y en a ici, hein. Mais c'est bon, en Italie. Oui, mais enfin, non, mais en Italie, c'est pas pareil. Bah, c'est des pâtes, quoi. Non, c'est pas pareil. Si, c'est, ouais. Ça reste des panzani. Ah, merci. Ouais, bon, après, il n'y a pas que cette marque-là. Bon, bref, donc t'as ramené des pâtes et après? Non, j'ai pas que ramené des pâtes, j'ai refait toute ma garde-robe, j'ai tout refait, en fait. D'accord. T'as ramené de la sauce? Non, j'ai pas ramené tout. Par contre, j'ai ramené beaucoup d'alcool. Enfin, j'ai vraiment ramené plein de choses, en fait, tu vois. D'accord. Donc, en fait, je suis arrivée avec 80 kilos de poids supplémentaire. Mais arrête. Ah bah, 80 kilos? Oui, ouais, donc c'est surréaliste. Mais t'es complètement dingue, Vanessa. Je dis donc oui, c'était surréaliste. Juste un truc, tu voyageais avec quelle compagnie? Parce que si c'était Ryanair ou EasyJet, à mon avis, t'as dû payer. À mon avis, t'as dû prendre un crédit sur 20 ans. C'est clair. C'est-à-dire non, que... mais en fait. Non, mais c'était Vueling, mais justement, c'est là que j'ai été fiée. Donc, en fait, au début, je suis tombée sur une fille qui était vraiment, désolée pour le terme, mais qui était vraiment connasse. En fait, elle voulait vraiment me faire payer, mais tout, au moindre centime près. C'est normal. En même temps, 80 kilos, t'es un peu forcé, là. Bah oui, encore. Connasse. Mais franchement, encore, t'arrives avec 24 kilos, c'est limité à 23. Bon, voilà, tu sais, les gens, en général, d'ailleurs, ils font un effort, si l'avion est pas complet, s'il n'y a pas eu trop d'excédents de bagages, ils font passer. Mais là, 80 kilos, t'es pas sérieuse quand même. Et en plus, elle insulte la meuf de connasse parce qu'elle fait son taf. Mais oui, mais quelle sale pute, enfin. Mais non, en fait, elle a fait des trucs pas sympas. Genre, par exemple, mon bagage à moi, il pesait 12 kilos au lieu de 10. Et elle m'a dit non, par contre, vous allez payer pour celle-là comme si c'était 23 kilos, en fait. Mais oui, mais c'est la règle. Elle est vraiment méchante, en fait. Mais attends, mais elle n'est pas méchante. Mais non, mais attends, tu serais prête à gueuler sur cette même meuf si elle laissait passer tous les gens comme toi et que l'avion s'écrase parce qu'il y a trop de poids dedans? On dit, mais il y avait qu'à dire qu'il fallait pas. C'est vrai. Non, mais ceci dit, elle paye déjà 80 kilos de bagages en plus. Pour 2 kilos de bagages à main, ils peuvent fermer les yeux, tu vois. Bah non. On est non, plus mais il y a un moment. Si tu payes 5000 balles de supplément. Mais t'as payé combien? C'est pas possible cette histoire quand même, 80 kilos, j'ai jamais entendu ça. Mais moi j'ai été choquée, hein. J'ai dit mais je sais pas, vous avez un problème de balance, c'est un truc, enfin bref. Et donc en fait du coup je vais t'expliquer, parce qu'en fait tu vas rigoler. Donc après tu vois, donc elle me dit bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le responsable de la compagnie. Ouais, mais c'était quelle compagnie? Vueling. Ah, Vueling. Ah oui, bah c'est la même chose, oui, que Ryanair et tout ça, hein. Et après on s'étonne qu'ils sont toujours en retard. Oui, c'est ça. Non, franchement Vueling ça va. Mais enfin globalement ça va. Et donc du coup elle appelle le responsable et tout ça, et en fait je sais pas, le mec il était vraiment super gentil. D'accord. Il lui a dit mais de toute façon tu peux lui faire passer tes valises et tout, il y a que 67 bagages sur le vol, donc tu peux lui faire passer et tout ça, genre en gros c'est rien de faire des histoires pour rien, quoi. En gros, hein, de ce que j'ai compris. Et donc en fait le truc c'est que je me rappelle, j'avais mon vol à 16h10, il était 15h43, j'avais toujours pas fait de check-in. Je me suis dit c'est impossible, ça va pas le faire, quoi. Ah oui, là ça va être compliqué. Ouais, bah en fait le responsable de la compagnie, il a, non mais je vous assure, l'avion il a été retardé juste à cause de moi. J'étais choquée. Ah. Et au final, tu vois, donc c'est toi. Donc t'as fait chier tout le monde. C'est bien ce que je dis, hein. Bah oui, mais bon, c'était pour la bonne cause. Et après, final, nous, on l'attend à l'autre aéroport. L'avion, il est en retard, il est décalé, il doit c'est attendre ça, un autre créneau. Hop, 4 heures de retard. Voilà, va essayer de porter plainte. Absolument. Et puis voilà. Et en plus, tu nous dis pour la bonne cause, meuf, t'as transporté des pâtes. Oui, c'est ça, c'est pas une c'est bonne ça, cause. C'est pas un rein, c'est pas, tu vois, t'as voilà, pas t'aurais, ouais, voilà, quoi. C'est ça, t'aurais ramené un cœur, tu vois, pour le mais transplanter. C'est elle, là, oui. Mais non, si tu veux faire de l'import-export, fais comme tout le monde, loue un conteneur. Attends, et t'avais combien de valises pour faire 80 kilos? Parce que tu vas quand même pas me dire que 80 kilos de pâtes, c'est rentré dans une seule valise. Mais j'avais pas que 4. Non, en fait, les pâtes, c'était il y a peut-être quoi, 10 kilos. Mais tout le reste, après, je te dis, j'ai refait ma garde-robe, j'ai tout refait, en fait. Enfin, j'ai tout acheté en Italie. Mais ça rentrait dans combien? Ça rentrait 9 bouteilles d'alcool. Ça rentrait dans combien de valises, tout ça? Alors, j'avais 4 valises qui allaient en soute. Une valise petite là qui était en cabine, et j'avais 6 gros sacs, en fait. Non mais attends. C'est abusé, excuse-moi Vanessa, le prends pas mal, mais t'es quand même débile. C'est-à-dire que t'arrives avec une seule valise, parce que c'est marqué partout, hein, que t'as droit qu'à une seule valise. Et là, tu te dis pas à un moment, quand tu vas arriver avec tes 4 sacs, tes 4 valises et ta petite valise en plus, que ça va pas rentrer? Bah, si, je savais, mais franchement, en fait, non. Non, mais c'est pas un sketch pour une petite, un petit sac pourri, moi. Et attends, parce que là, on Vanessa... parle à Los Angeles avec, avec Amina, je suis sûr qu'elle va encore nous casser les couilles avec ses excédents de bagages. Bah, attends, elle va arriver, ça va déborder, elle va nous afficher dans tous les aéroports parce qu'elle va démonter sa valise en plein milieu. J'en ai rien à foutre. Et j'ai fait la même chose en rentrant de Venise, justement. J'ai mis tous mes vêtements sur moi parce qu'ils m'ont saoulé pour la valise. J'avais un jean en mode écharpe autour de mon cou, 4 robes, 3 pulls. Bah, là, je voudrais bien te voir pendant 11 heures de vol avec tout ça, tiens. Là, on va se marrer. Moi, je m'en fous. Bon, tu veux dire quoi, Toff? Je disais juste oh merde. Ah, d'accord, ok, très bien. Oh, ça vous prête une gueule. Ouais. Enfin, bon, bah écoute, bah Vanessa, merci. Ça s'est fini comment alors? Du coup, t'as payé ou pas? Bah, au final, j'ai payé, mais tu vas rigoler si je te dis combien j'ai payé. Non, mais une fortune, bah, évidemment, t'as payé combien? Non, pas du tout. Justement, le gars, il a été super sympa. Il m'a juste fait payer 270 euros. 270 euros? Oh, mais c'est rien, c'est juste un autre vol. C'est qu'en plus, avec Vueling, tu peux partir 10 fois si tu veux aller-retour là. Ouais, c'est vrai, mais franchement, quand même, par rapport à tout ce que j'avais, il a été super cool parce qu'en plus, il y a une des valises qui s'est gâtée, il m'a aidé à la faire plastifier, tout ça. Franchement, il a été super sympa. Je pense qu'il avait envie de te pécho, effectivement. Bien sûr, c'est justement, Madame Pat, même sur tu. Miss Pat 2015. Mais il faut pas partir en vacances avec elle, c'est une casse-couille. Mais je veux dire, une casse-couille et une casse-o, ça a fait une casse-couille. Non, non, mais je la baiserai chez elle. Ouais, alors, combien mesures tu, Vanessa? Rien du tout, clochard. Combien mesures tu, Vanessa? Je veux dire 1m74. Combien pèses-tu, Vanessa? Attends, parce qu'elle a mangé des pâtes depuis. 50 kilos. Mange la pâte, mange la pâte. Elle les a bien digérées. Alors, quel est ton tour de poitrine? 85 C. D'accord, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Eh bien, écoute, je te fourre ma nouille quand tu veux. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle est. Ouh. Eh ben, écoute, si tu veux venir faire de la radio avec nous, Vanessa, t'es la bienvenue. On essaye d'échanger avec Amina là. C'est sympa le recrutement ici. Super. Je peux venir te bourrer des choses. Eh, tu peux pas dire que on recrute sur le physique, on a Toff. Hein. Ah, j'ai peur. Et c'est bas. C'est vrai. Et c'est pas parce qu'il il a du muscle, mais il est pas beau. C'est beau ça. T'as une tête d'autruche à moitié saccagée par le temps. C'est ça. Bon, tu disais, Vanessa? Ça fait mal. Je veux bien venir à l'émission. En fait, je vous avais appelé il y a deux jours. Enfin, dimanche. Oui, bien parfait. Ah, dimanche, ouais. Oui, je vous avais appelé dimanche. Ramène-nous des pâtes. Il doit rester un paquet quelque part. Bah oui. Et l'huile d'olive. Ouais, c'est ça, bah tout quoi. Hein, voilà. Non, j'ai pas ramené de l'huile d'olive, j'ai ramené de l'alcool. Très bien, écoute, on fera avec alors, parfait. Non, oui, bah tu peux passer soir si tu veux, y'a pas de soucis. Tu vois avec Sébastien, je leur passe tout de suite. Ok, par contre, j'ai juste une question pour toi, s'il te plaît. Dis-moi. Oui. Oui, c'est sa tête, hein, c'est pas un déguisement, c'est ça que tu voulais savoir. Non. Tu voulais savoir quoi? Je voulais savoir comment tu fais pour ne pas être mort de rire pendant les appels mal intentionnés, parce que moi j'en peux plus perso. Je coupe le micro. Je sais pas comment. Je coupe le micro, je rigole et je reviens. tu verras, je te montrerai live et direct. Voilà, je te montrerai quand tu seras là, je te prendrai sur mes genoux et je te montrerai comment on fait. Je te montrerai mon manche de la radio, voilà, oui, c'est ça, sûr, et tu pourras piloter avec le manche. Ça va ou quoi? Il y a des gens dans le studio. On ira dans le studio d'à côté, ne t'inquiète pas. Ça, ouais. Pour que tu ne sois pas choqué. En tout cas, t'es trop excellent. Merci Vanessa. Mais il n'arrête jamais les appels. Vanessa, heureusement qu'il est bon là-dedans, parce que déjà qu'il est pas beau. Ah ouais. Heureusement qu'il y a ça quand même. Hein. Vous êtes trop méchant avec lui. Hein. Merci Vanessa. Ne t'arrête pas, Vanessa. Vanessa, juste un truc. Depuis quand ça fait combien de temps que tu le connais? Déjà, ça fait plus d'un an que je vous écoute. Non. Depuis quand tu fréquentes cette énergumène? Je le fréquente pas. Non, mais c'est une question. Je le fréquente pas. Non, voilà. Je vais sur Facebook. Mickaël, ça fait combien de temps que tu le connais? 20 ans. Polo, combien de temps que tu en es? 11 ans. C'est pas combien de temps que tu connais? 10 ans au moins. Voilà, donc tu vas pas nous expliquer qui est cette merde. Oui, oui, j'ai vu, hein, merci. Mais elle le connaît mais très peu. C'est pas qui c'est. Non, mais attends, mais ça, j'ai le droit de pas le trouver moche physiquement quand merci, même. Merci, merci. Ah non, tu as le droit de pas avoir mauvais goût, hein, ça, y a pas de problème. Hein, on ne remet pas ça en question, bien entendu. Y a pas de. Merci, Amina. Non, mais on rigole. Vanessa, tu le verras en vrai. Là, on va rire. Tu vas réaliser ton rêve. Tu vas voir. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, ouais, bah on essaye de faire Je te repasse ces bons standards, tu gères ça avec lui, d'accord? Je t'emmènerai en autolib. Bon, ça roule. Salut. Maison pour pas être contaminé. Ouais, c'est ça, on sait jamais, c'est pire que Tchernobyl. Il faut se méfier là. Allez, passez une bonne nuit, on va se faire dans un instant le jeu des chips et les lettres. On va récupérer Christophe et Samuel également. Et on va se mettre un bon son. Tiens, je l'aime beaucoup celui-là, à 2h07 du mat, au cœur de la nuit sans pub. On chill, on est à la cool. On écoute Fada Freddy, on sort la bouteille de champagne et on l'éclate violemment dans la gueule de Toff. Allez, bonne nuit tout le monde. Il y a le son de Jonas Blue et 21 Pilots qui arrive. Parce que la nuit, c'est un lieu secret. Un lieu magique. Chaque nuit est un événement. Parce que la nuit n'est pas faite que pour dormir. Et que la nuit, il se passe bien des choses. Mickaël s'installe tous les soirs, de minuit à 4h. Alors profites-en. C'est sur Énergie. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. Mickaël officiel. D'ailleurs, je rappelle qu'on vous offre toujours FIFA 17 sur le Twitter de l'émission. Faut simplement utiliser le hashtag MIKL offre FIFA 17 sur Énergie. Et si bon, on vous tire au sort, hein, tous ceux qui ont tweeté avec ce hashtag là, si vous êtes tiré au sort en fin d'émission, que dis-je, avant 3h, juste avant le polo show, eh bien vous repartirez avec le jeu FIFA 17 sur PS4. Et peut-être que Seb partira également avec FIFA 17 sur PS4. Salut Seb de Lyon, comment ça va? Salut mon petit loup, ça va et toi? Mon petit loup, petit loup. Ah, où va-t-on? C'est un manque de respect flagrant, ça peut suffire. Ça peut se finir chez les keufs. Attention, ça peut se finir chez les keufs. J'ai une bonne avocate. C'est vrai. Bon, alors, on va jouer donc maintenant à ce grand et beau jeu qu'est le chips et lettres. Voilà, c'est ça. C'est le manche de chips, si tu veux. Bon, je rappelle que tous les auditeurs vont tenter. Oh putain, qu'il m'énerve quand il croque les chips, c'est trop du cul. Donc, je rappelle que tous les auditeurs vont tenter évidemment de te faire perdre, Seb, puisque eux aussi vont tenter de repartir avec le jeu FIFA 17. Pour ça, c'est facile. Donc, je vais montrer des mots à Toff. Il va essayer de vous faire deviner le mot que je lui montre. Si tu trouves le mot en premier, Seb, tu prends un point. Facile. D'accord. Si un des auditeurs trouve avant toi, il envoie Mickaël, espace, la réponse. Non, Mickaël espace votre numéro de téléphone et la réponse au 612. Même numéro pour la France et la Belgique. Et donc, si jamais les auditeurs trouvent avant toi, le point ira dans l'équipe des auditeurs. Et je rappelle que si les auditeurs ont 3 points, à ce moment-là, on tirera quelqu'un, l'un d'eux au sort, quelqu'un qui aura joué par SMS et on lui offrira FIFA 17. Sinon, c'est toi qui gagne. D'accord, Seb ? Ok, ouais, mais ils sont pas bon. Comme ça, ils sont sympas. Alors là, tout. T'inquiète pas qu'ils veulent tous gagner FIFA. Hein, alors là, je peux te dire. Ah ouais. Bon, allez, on y va, Seb. Voici donc le premier mot. Écoutez bien, préparez déjà vos textos si vous voulez. Hein, simplement, vous envoyez, vous préparez déjà Mickaël, M-I-K-L, espace, votre numéro de téléphone, espace, l'éventuelle réponse. Comme ça, vous mettez juste la réponse, vous envoyez, et puis, du coup, vous avez plus de chances que ça arrive avant que Seb trouve la réponse. Voici donc le premier mot. Attention, c'est parti. Mickaël et votre message au 612. Bonne chance. Écoutez bien. Bouffon. C'est une mauvaise réponse. Bouffon. Non, c'est pas. C'est comme Toff, mais c'est pas ça. Bouffon. Non. Fufa. Non, c'est pas puceau. Ah, FIFA, ça a été trouvé par SMS. Eh ben voilà. Ah. Fallait pas chercher très loin, Seb, pourtant. Christophe avait trouvé. Le Toffer aussi avait trouvé. Il y avait quoi ? Pogba, on proposait. Non, c'est pas ça non plus. Bon, voilà. FIFA, bonne réponse. Attention, pour l'instant, c'est un point pour les auditeurs, zéro pour toi. On y va, c'est une spéciale jeu vidéo. Écoutez bien, préparez votre message. Mickaël, espace le numéro, espace la réponse. Au 6, 11, 12. Même numéro pour la France et la Belgique. Oh là là. Battlefield, bonne réponse. J'entendais moi la Belchie. Ouais. La Belchie. Bon, attention, un partout. On est pas mal là pour l'instant. Voici donc le mot suivant. Mickaël et votre message au 6, 11, 12. Si vous pensez avoir la bonne réponse, c'est parti. Oh merde. Ah ouais, il est pas facile. Oh là là. Oh là là, c'est à chier. C'est filmé en direct sur Instagram, hein, sur Stories. C'est M.I.K.L. officiel. On comprend rien. Triton Fall. Non. Proposé Ronaldo, c'est pas ça. E-Sports, on proposait Derek du 51. Call of Duty, c'est pas ça. Titanfall, ça a été trouvé par SMS. Bravo. C'est ce que j'ai dit, les gars. Non, t'as dit Tyrannfall, mais essaye pas de me le faire à l'envers. Seb. Écoutez, les gars. Seb, tu as dit Tyrannfall. Je l'ai même répété derrière et tu ne l'as pas corrigé. Donc, c'est bien la preuve que tu avais donné, ça. Et de toute façon, même si on écoute, il n'y a qu'un arbitre et l'arbitre ne revient jamais sur sa décision, même si après, en ayant revu le match, il se rend compte qu'il a fait une erreur et qu'il a soufflé une erreur qu'il ne fallait pas. Et ben là, on va dire que tu es victime d'une erreur d'arbitrage. Ça fait quand même 2 pour les auditeurs, 1 pour toi. C'est comme ça, c'est pas de bol. Ouais. Bon, allez, on y va. Voici donc peut-être le dernier. Si les auditeurs trouvent, tu auras donc définitivement perdu. Si vous voulez jouer et gagner FIFA 17, vous envoyez Mickaël, espace, votre numéro et l'éventuelle réponse que vous avez trouvée maintenant. Dektoff aura tenté de vous faire deviner. Enfin, Dektoff aura réussi à vous faire deviner le mot. Grand Turismo, bonne réponse, Seb. Et voilà. Ça fait 2 partout. 2 partout, attention. Cette fois-ci, c'est sûr. C'est le dernier mot. Toffer du 49 avait trouvé aussi Grand Turismo. Le dernier mot, donc, écoutez, c'est un jeu vidéo, mais c'est une version. Et cette fois-ci, Toff va devoir donner la version. Parce que je suis content de donner juste le début, après il s'arrête, pépère à la cool, quoi. Donc, Mickaël et votre message au 612, écoutez bien, voici donc encore un jeu vidéo à découvrir pour tenter de gagner FIFA 17. Far Cry Primal. Bonne réponse, voilà, ça y est. Tout juste. Tu vois, Seb, au lieu de se plaindre, oui, une victime d'erreur d'arbitrage, t'as quand même gagné, hein. Casse-couille, quand même. Eh ben voilà. Bon, FIFA 17 pour toi, Seb, du coup. C'est rare que l'auditeur gagne. En général, c'est ceux qui sont derrière la radio qui gagnent. Ouais, bravo. Donc, comme quoi ça arrive. Bravo, Seb. Bon, tu retournes chez Seba au standard. On va prendre tes coordonnées. Et puis, on va t'envoyer FIFA 17, alors, sans problème. Sans souci. Passez bonne soirée, les petits loups. Eh ben, toi aussi. Allez, à bientôt, Seb. Ciao à toi. On va prendre Christophe et Samuel dans quelques minutes. Et puis, on va s'écouter le son de Jonas Blue maintenant sur Énergie. 2h17. On est au cœur de la nuit sans pub. Mickaël, tranquille, à la cool avec vous toutes et vous tous. Et puis Jonas Blue et les appels mal intentionnés, ce sera dans moins de 15 minutes sur Énergie. You were looking at me like you wanted to stay. yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. C'est Mickaël sur Énergie. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter, t'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi, tu voudrais que ça se termine, mais t'es là, toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur Énergie. Bah oui, on est là et on écoutera le son de 21 Pilots. Oh putain, ça c'est bon, ça va arriver ça. Attention, attention. Et je vous mettrai aussi Soprano. Et il y a Carn Anonyme aussi qui dit salut l'équipe, un petit FIFA 17, je crache pas dessus contrairement à la gueule de Toff. Et ben, merci, trop sympa. Peut-être que ce sera toi, pourquoi pas, ouais, puisque t'as mis le hashtag Mickaël offre FIFA 17 sur Énergie. Si vous êtes tiré au sort avant bon, d'ici une petite demi-heure, même pas là, vous repartirez peut-être avec FIFA 17. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Il y a le Tilter qui dit Toff, sale merde, je te mets des cure-dents dans le nez et je te roule dessus avec ton autolib, espèce de sagouin. Voilà. Merci. Et alors Alan qui dit tout ça pour une casse-couille qui veut se faire 3 ans de carbo. Et Jeanne-François, il dit, si t'étais pas une dinde accro au shopping, tu n'aurais pas eu de problème. Remets-toi en question avant d'insulter la nana de chez Vueling. Ah, c'est par rapport à Valessa qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Et Saïd qui dit, quand je vois FIFA 17, j'ai envie de dire, comme Jules, t'es mon bijou. Ah oui, bah pour l'instant, il n'y est pas encore. Christophe est avec nous maintenant. Oh non, on va d'abord prendre Samuel, ça fait plus longtemps qu'il est là. Salut Samuel. Salut Mickaël, salut toute l'équipe, ça va? Ça va et toi? Bah moi pas trop en fait. Qu'est-ce qui va pas Samuel, raconte. Bah tu sais, c'est par rapport au service là qu'on devait rendre. Ah oui, non, c'est pas qu'on devait rendre, hein. C'est les services qu'on a déjà rendus. Oui, bah moi en fait c'est en train de se passer et c'est un peu malgré moi. Bon, raconte. Je sais pas si vous connaissez le site WeRoom. Non. En fait, c'est on peut héberger des gens. En gros, on fait un peu des colocs, tu vois. Ah oui, c'est le Airbnb, mais pour la coloc. Ouais, voilà. D'accord. Et moi, en fait, vu que je suis étudiant, tu vois, j'ai 18 ans et je suis un peu en galère de thunes. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai dû accepter un mec chez moi, tu vois, pendant une semaine. Et lui, il m'a dit qu'il était vraiment pressant, tu vois, il était vraiment en galère. Du coup, j'ai accepté de l'héberger pour 15 euros par jour. D'accord. Et le truc, c'est que le mec, en fait, si tu veux, il fait des trucs pas très légaux, tu vois ce que je veux dire? Non. Il y a plein de trucs qui sont pas, tu vois, où il y a plein de trucs pas trop légaux, tu vois, donc c'est quoi? En fait, le mec, il fait connaître sous le pseudo Ricitas. Ouais. Et c'est un mec un peu hispanique, tu vois. Ouais, et il fait quoi? Ouais, non. Mais en fait, ils vendent de la coke. D'accord. Et le truc, c'est que j'ai découvert pendant que je rentrais à des cours. Bah, va chez les flics. Justement. Le truc, c'est que, il est un peu un clan, tu vois, un gang, et, il m'a menacé. Et c'est pour ça que je suis en il m'a dit, si tu vas chez les flics, tu vois. Bah, il m'a menacé à mort. Oui, non, mais d'accord, mais c'est, normal, c'est son métier en fait. Oui, c'est ça, il va pas te dire, oui, si tu veux aller chez les filles, tu peux y aller, ne t'inquiète pas, je ne ferai rien, ouais, évidemment, tu vas te menacer. Parce que quand je vous dis ça, la semaine elle est passée, donc là il est plus chez moi. Sauf que le truc, c'est qu'il sert de mon appart comme squat en fait, il revient régulièrement. Mais pourquoi il a la clé? De quoi? Il a une clé? Non. Mais comment il fait alors? Si je l'ouvre pas, je te dis qu'il m'a menacé. Et moi, en fait, c'est que je vis sous la peur permanente, quoi, en fait. Mais ça fait combien de temps que c'est arrivé, cette affaire? Ça fait 3 semaines. Enfin, il y a 3 semaines, il a passé la semaine. Et ça fait 2 semaines qu'il sert dans mon appart comme squat, en fait. Et lui et ses potes, en fait, il est pas tout seul. Ils viennent à plusieurs. Change d'appart. Si tu peux. Non, mais tu peux. Mais non, je peux pas. Bah écoute, de toute façon, en fait, si cette histoire est vraie, il y a un moment, va chez les flics, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas attendre là indéfiniment. Bah oui, mais t'as peur, mais c'est pas en restant. Non mais attends. C'est pas en restant là à l'accueillir non-stop que ça va arranger les choses. Hein. Je veux dire, la seule solution, c'est d'appeler les flics. Les flics l'arrêtent, qu'est-ce que tu veux? Et après tu déménages. Le truc, c'est qu'en plus, j'ai mon père qui travaille chez les flics, il a un pote qui s'appelle Gilbert. Et lui, Gilbert, en fait, t'es pas en train de voler en bateau avec ton père qui est flic, Gilbert, là, Bébert? Ouais. Non, pas du tout. Non, mais je vous promets, c'est pas une blague. En fait, j'ai juste besoin d'aide. Ça fait 1h15 que j'attends, là. On saura plus et dire. Et je suis juste sous. Ouais, mais Samuel, on peut rien faire. On n'est pas de la police. On peut même pas venir te protéger. On peut pas venir casser la gueule du dealer. On peut pas. Tout ce que je peux te conseiller, c'est d'appeler les flics. Hein. Tu te dis bien qu'on n'a pas 150 autres solutions, malheureusement. Bah oui, mais le mec. Vous rendez pas compte? Les mecs, je te dis. Si, justement, on se rend bien compte, donc va voir les flics. Mais oui, mais c'est pour ça. Va voir les flics. À la limite, tu choisis un commissariat loin de chez toi, comme ça, t'es sûr qu'il peut pas le savoir. Ben non, ça revient au même parce qu'en fait, ils vont venir chez moi, tu vois. Oui, non, mais faut que tu passes une main courante parce que dans tous les cas, sinon, t'auras pas de preuves s'il se passe quelque chose. C'est même pas une main courante, c'est qu'il faut. Mais il faut qu'il y ait. Dans un premier lieu, et dès que les mecs se pointent, t'appelles la police et comme ça, ils viennent les cueillir direct devant chez toi. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais pas touché chez moi, en expliquant. Oui, parce que là, c'est tendu, Amina. Bah pourquoi? Bah parce que si les mecs sont là et que c'est des vrais caïds, si tu veux, il y a un. Bon, les gars, attendez, je vais passer un coup de téléphone, je vais aux toilettes. Non, tu leur ouvres pas. Pendant qu'ils sonnent chez toi, t'appelles les flics qui viennent les chercher, tu vois. Ouais, mais bon, les mecs, ils vont se barrer, ils vont revenir. Enfin, tu vois, je veux dire, le temps que les flics arrivent, voilà. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est. Il n'y a pas d'autre solution, de toute façon. Qu'est-ce que tu. Enfin, tu t'attendais à avoir quoi comme conseil de notre part? Parce que, à part appeler. Justement, je sais pas. À part prévenir les flics, il n'y a pas d'autre solution. Piège, là, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on. Il n'y a pas d'autre solution. Imagine, t'as un pote. Il m'a menacé à plusieurs reprises. Mais oui, mais c'est normal. C'est un mec. Enfin. C'est ça, il va pas dire. Mais va chez les flics, fais-moi arrêter. Enfin, oui, c'est logique. C'est le principe. Évidemment qu'il va te menacer. Évidemment que son but, c'est que t'ailles pas chez les flics pour éviter qu'il ait des emmerdes. Donc c'est normal qu'il essaie de te menacer pour que tu le fasses pas. Ça paraît logique. Après, je dis pas qu'il va pas mettre ses menaces à exécution. J'en sais rien. Hein. Ça se trouve, c'est un mongol qui se prend pour un dealer, sauf qu'en fait, c'est une baltringue. Ah non, pas du tout. J'ai vu. Il m'a même proposé de me faire goûter sa coque, mais moi, je touche pas à ça, tu vois. Ouais, mais vraiment, c'est du sérieux. Non mais écoute, si c'est du sérieux, écoute, qu'est-ce que je te dise? À part aller voir les flics, je dis pas ça pour me dire bon, on va se débarrasser de lui parce que son histoire est saoulante ou on n'a pas de solution. Non, vraiment, à part aller voir les flics, il y a pas d'autre solution. Ouais, mais tu voudrais que je fasse quoi, que j'aille voir les flics quand il est pas là? Je comprends pas. Bah oui. Mais en même temps, je veux dire, vous vivez pas H24, donc tu peux y aller n'importe quand. Enfin, c'est débile, ouais, ta question. Quand c'est qu'ils vont venir, ils savent pas quand il est là. Mais et si après ils vont mener une enquête. Attends, enfin, c'est... En parlant d'enquête, il y a Amina qui a mené son, qui a mené son enquête également. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis étonnamment sur le forum jeuxvideo.com 1825, hein, comme d'habitude, et, ouais, et je pense que tu nous trolles un petit peu. Voilà. C'est rigolo. Hein, j'aime bien quand tu dis voilà, Gilbert. Hey, Samuel, la prochaine fois, si tu veux faire ta dédicace ridicule, t'appelles, tu passes. Hein. C'est pas la peine d'avoir. Il y a le polo chaud. Non, mais c'était drôle quand même. Mais non, c'était. Non, mais tu fais pitié parce que t'as des gens qui ont des vrais problèmes. Mais non, mais. Tu vois, abruti. T'as des gens qui ont des vrais problèmes avec des dealers et tout. Et toi, tu te fais passer pour une victime alors que t'es une baltringue, tu vois. Et à un moment donné, c'est d'être intelligent. Si t'es une baltringue, t'as aucun problème. Mais non, mais c'est pas drôle. T'as des gens qui ont des vrais problèmes avec des dealers et tout. Et toi, tu fais ça. D'accord, ok. C'est la petite pute, elle a pris 3 ans à passer. Très bien. Et sinon, Samuel, t'as encore d'autres âneries à dire ou c'est Est-ce que Amina peut redire troller parce que j'aime bien quand elle dit troller. Troll. Troll. Ah ouais, c'est pas mal. Papy tricot. Bon, Samuel, excuse-moi, on va pas te déranger plus longtemps. On sait que t'as beaucoup de travail. Hein. J'imagine que tu dois encore passer ailleurs aussi, forcément, j'imagine. Ah non, c'est possible à ce temps-là. Ah oui, c'est vrai qu'à vrai, il n'y a plus personne, effectivement. Ouais, tant pis. Ah ouais, c'est dommage. Et on embrasse le forum du 18-25, évidemment. Amina, voilà. Un petit chaton, Amina. Je t'embrasse très fort. Allez, au revoir, Samuel. Bon, il y a des mecs forum ridicule. Il y a des mecs la chance. Hein. Bah, ils ont plein de choses à faire. Hein. Non, mais c'est ça en fait. Oui, oui, non, mais ça dépend. Ils parlent de plein de trucs. Non, non, mais il est cool le forum, mais parfois il y a deux, trois troubles faites. Ah, bah très bien. Bah, c'est encore plus con alors du coup. Hein. Bah oui, mais c'est vrai. Si le forum est cool, c'est con qu'il ait une mauvaise image. C'est comme tout. Il y a des bébêtes partout. Que tu veux bon, après. Mais si ça vous fait plaisir de passer, après, il y a le polo chaud. Hein. Vous pouvez passer. Voilà, vous allez dire une connerie, puis après vous raccrochez. Voilà. Mais je crois que les gens pensent qu'il faut une histoire de malade, tu vois, un truc sensationnel pour passer. Pas du tout. Vous passez si vous avez un truc à dire, ça me pose pas de problème. Et puis si vous avez une dédicace à faire, bon, après globalement, c'est vrai que ça me saoule un peu les dédicaces, mais quand on me demande, en général, je le fais, tu vois, je la laisse faire la dédicace. Bah, oui. Ouais, mais là, ils ont besoin de se prouver que c'est des hommes, tu vois. En fait, t'as l'impression qu'il est monté au sommet du Mont Blanc, là. C'est ça, il a passé un coup de téléphone, il est passé chez Seba, il est passé à l'antenne. T'as l'impression que le mec, il a fait le tour du monde à pied. Il a réussi à esquiver un demeuré. L'autre, il croit qu'il a combattu. Non, mais c'est vrai. Oh là là, je te jure, putain, c'est bon ça quand même. Enfin, bon, on va s'écouter 21 Pilots. Et puis on va revenir juste après avec Christophe. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'en plus, il se plaignait qu'il a attendu 1h30. Non, mais la blague. Je l'aurais fait attendre 2h de plus, tiens. Allez, 21 Pilots, on est sur NRJ. Bonne nuit, tout le monde. For them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. Allez, bonne nuit, c'est Mickaël, on est sur Énergie, il y a Sopra qui arrive. J'ai fait un rêve. Plus de libre-antenne, plus de rire, plus de musique, plus de radio. Rien. Rien. Mais vraiment rien. Le vide absolu. J'ai fait un rêve. Plus d'insultes, plus de délires, plus de cadeaux, plus d'auditeurs. Plus rien. Rien. J'ai fait un rêve. La nuit, on dormait. On dormait. Mais j'ai su que c'était un rêve. Top était tellement beau dans ce rêve que c'était pas possible. Mickaël, Polo et Amina, du lundi au jeudi, de nuit à 4h, sur Énergie. Oui, je vous appelle parce que je me suis fait séquestrer par ma voiture. J'ai très très peur, je sais pas quoi faire. Vraiment. Et je mange des clous. Oh mon Dieu. Voilà, faut vraiment que vous bêtiez. Georges, Robert. Oh, voilà, c'est ça. Gilbert. Voilà, il y a Gilbert, le mécanicien, qui est venu changer ma roue. Et donc maintenant, il me séquestre. Il veut absolument vendre de l'essence. Donc je comprends pas. J'ai peur, au secours. Oh, lui, voilà, dédicace à Seba, à Baba. À tout le monde. Bon, Christophe de Marseille, dans un instant, on va d'abord se faire les appels mal intentionnés. Ah. Je dédicace à... Merde, comment il s'appelle encore? J'ai oublié, tiens. Celui qui est passé. Gilbert, on va Gilbert. Dire. Gilbert, bon, on va dire Gilbert. Samuel. Samuel. Samuel. Sabata. Sabata. Nique le troufion, ta grand-mère, la chambre qui fait du jet ski. Allez, c'est parti. Donc, appel mal intentionné. Et je rappelle donc que si vous êtes un adepte de la cuisine, oubliez tout ce que vous avez appris. Car Paul Fottenauer, c'est un infirmier originaire de San Francisco, a publié un livre intitulé Natural Harvest. C'est un livre de recettes entièrement à base de sperme. Voilà, 100% garanti sans gluten, bien entendu. Sa femme a testé et validé toutes les recettes. Donc, Tof, tu vas vérifier si les femmes aiment vraiment le goût du sperme. Ben oui, allons-y. C'est parti, on y va en appel. Grâce au numéro que vous envoyez, c'est tous les soirs sur le mail de Tof. C'est toph@energie.com. On y va, c'est parti, on appelle. Et le prono choix à suivre aussi dans quelques minutes. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme elle est satisfaite par le goût de votre sperme, monsieur. Pardon. Est-ce que votre femme elle est satisfaite par le goût de votre sperme, monsieur? Ma femme elle est satisfaite de... Du goût de votre sperme, monsieur. Elle va te faire reculer, connard. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, enfin. Elle est satisfaite de mon sperme. Encore un charlot, ça. Mais pas du tout. Ben si, parce que je quittais. Tof, monsieur, je m'appelle Tof. Ah ouais. Oui. Ah, vas-y, parle. Ben non, je veux avoir votre réponse, monsieur. Non. Ben pourquoi, monsieur? Ah non, elle préfère le Ricard. Elle préfère le Ricard. Oui, ça, je me doute qu'elle préfère le Ricard, monsieur, mais je veux juste savoir si le goût de votre sperme lui convient. Ah bon, mais vous appelez d'où, là? De Paris, monsieur. Ah, Paris, ouais, un enculé de Parisien. Oh non, monsieur, non, dites pas des choses comme ça, enfin, ça se fait pas. Encore un enculé de Parisien. Ouais, ah, encore un enculé. Ouais. On va le rappeler, du coup. Hein. Un Parisien. Là. En plus, il est pas Parisien, il est même pas français. C'est vrai, en plus. Quel scandale. Allô? Oui, bonsoir, madame. J'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé. Oui, alors? Ben, il est où le problème, là? Ben, il n'y a pas de problème, madame. Je voulais juste savoir si vous étiez satisfaite par le goût de son sperme. Non, mais ça va aller, là. Ça fait le vent, là. Bah, c'est pas de conneries, mais c'est du n'importe quoi. En plus, je vous appuie en message, enfin, en téléphone inconnu. Donc, vous n'avez pas de couilles au cul, excusez-moi. Bah, je peux vous donner mon numéro si vous voulez, madame, mais je vois pas ce que ça change. Bah, allez-y, donnez-moi votre numéro. Alors, c'est 01 40 71 50 00. Ok. Voilà. Vous avez tout compris. Je suis flic en plus. D'accord, mais ça n'empêche pas de répondre à une question, monsieur. Non, mais je suis flic en plus, alors vous allez gober, là, je peux vous dire. Et je vais faire monter en plus. Oui, oui, d'accord, mais c'est. À la préfecture de Nantes. Oui, oui, d'accord, monsieur, mais c'est pas le problème. Moi, je veux juste savoir si votre femme, elle est satisfaite. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre d'abord pour commencer? Moi, tu me demandes si ta femme, elle est satisfaite de ton sperme à toi? Mais moi, j'en ai pas, monsieur. Maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah, t'as pas de sperme, toi? Bah, t'as pas de couille au cul, alors. Si, mais j'ai pas de femme, monsieur. Allez, va te faire foutre, enculé. Mais oh non! Tu vas avoir de mes nouvelles. Non! Parce que je vais te dire une chose, je suis assermenté, je suis garde particulier à la chasse et je suis en contact avec la gendarmerie. Ok? Allez, y'a pas de soucis. Ciao! Non, y'a pas de soucis, monsieur, mais répondez à la question. Attention, il est garde particulier assermenté à la chasse en contact avec la gendarmerie. Ouh là là. Ah oui, ça fait peur. Quoi. Et fait comme ça. Le malin. Faut pas déconner non plus là. On va le rappeler d'ailleurs, tiens. Il va finir en prison, lui, tu vas voir. Bah alors. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le téléphone. Oh merde. Bon bah tant pis Thierry, putain, c'est dommage. On aurait bien voulu encore une petite menace. Ah bah oui, c'était vite fait, il était ça. Tellement mignon. Hop, hop, hop, comme ça, vite fait, tranquille. Bon, on en fera l'autre demain, demain, dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Tof pour les appels mal intentionnés, c'est sur toph@energie.com ou par SMS également. Vous envoyez Mickaël espace Tof et le numéro de la personne à appeler au 6 11 12. Dans un instant, Christophe de Marseille. Il y a un message qui dit: mais quel pauvre type ce Samuel, juste pour se faire connaître, pour ma part, déjà oublié, juste peut-être deux claques dans la gueule, vous êtes terrible. Eh bien, écoute, merci à toi. Et Jenny Lynn qui dit: quel trou du cul, il y a des gens qui sont vraiment en galère, Bolos va. Et Jeanne Françoise, ah ça y est, il a fait ses dédicaces de merde, il a le zizi tout dur, même pas les couilles d'assumer le fait qu'il appelle pour rien. Oui, c'est ça, en fait, il aura plus après, tranquille, bon voilà. Si c'est juste des défis que vous vous lancez, bon bah. Mais non, mais c'est pas malin parce qu'il continue d'écrire leur truc sur le forum et là il y a un autre numéro qui va appeler le Polo Show dans 20 minutes, mais on le sait d'avance parce qu'il l'écrit sur le forum. Mais il passera, ça ne dérange pas. Mais oui. Nous on va pas. On est gogol, il passe. Y a pas voilà, de plus vous êtes con dans le Polo Show, mieux c'est. Excusez-moi pour Jackie et tout ça, hein, bien entendu. Non, bah non, mais c'est je veux dire, façon de parler quoi. Donc oui, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun souci, hein, c'est pas la peine de vous cacher. Hein, pas mais de problème. Ça montre des opérations. Wow, l'OPSP. Ouais. C'est vrai que c'est hyper compliqué de passer à l'antenne. L'OPSP, attention, 01 40 71 5000. On va cacher Amina dans un forum, retrouve-la. Voilà, l'OPSP. C'est l'OPSP. Je regardais la photo de Tof et je me posais une question: est-ce qu'il était beau quand il était petit? Bah oui, moi qui j'ai jamais vu de photo de lui petit. On l'a vu jeune, mais pas petit. Moi qui vais de temps en temps voir sa mère Maryse, en toute amitié, parce qu'on a, Non, non, mais c'est en toute amitié. Pourquoi non, non, mais, non, non, parce que la phrase vais, c'est bizarre. Mais non, oui, je d'accord. Vais prendre le thé chez Maryse de temps en temps, puisqu'on parle littérature, etc. Mm-hmm. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Et donc, j'ai vu une photo qui est là sur. Je sais pas si elle est accrochée au mur ou elle est sur un meuble quand t'es en beau gosse. Ouais, elle est sur un meuble, ouais. Et donc, il y a Tof en blondinet, mais beau gosse, on dirait. Quel âge? Je sais pas, il doit avoir 5-6 ans. Oh, bichette. Et il est tout blond, beau gosse. Photo qu'on voit où belle tête. Et on dirait qu'il a un petit blouson, on dirait un. Je l'ai pas déjà fait, non, non, je pense pas, non. Mais je la on dirait un. On dirait un américain, quoi. Waouh! Non, mais sérieusement, il était un même. Alors moi, que maintenant, on dirait quoi? Bah, je sais pas. Un turc ou un afghan? Quoi? Afghan, j'aime bien. Quel afghan. Rapport? Ah, pas du tout. Ils sont beaux gosses, les Turcs et les Afghans. Ouais, bah, tu vois, c'est pas du tout ça, là, a priori, là. Bon. On dirait de la merde, voilà. Allez, vous bougez pas, il y a Christophe dans un instant, le Polo Show à suivre, et on écoute le son de Sopra maintenant sur Énergie. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer, boum, dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur eux, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien ne peut. Si tu me parles, rien ne peut. Si tu me touches, rien ne peut. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinet énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien ne peut. Si tu me parles, rien ne peut. Si tu me touches, rien ne peut. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Oh, appelle les pompiers. Oh, appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Allez, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël. Comptez les moutons. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4 heures. Allez, allez, allez, allez. Christophe qui est avec nous maintenant à Marseille. On fait le tirage au sort aussi dans quelques minutes. C'est Amina qui va choisir. Voilà, comme ça on ah, pourra pas. Main innocente. Voilà, meuf, tu parles. Bah oui. Qui va choisir sur le Twitter avec le hashtag Mickaël offre FIFA 17 sur Énergie. Quelqu'un qui aura tweeté justement. On a été en top tweet d'ailleurs. Je sais pas si on l'a encore, peu importe. Et donc, du coup, ah, on y est tout FIFA 17 donc à gagner. On va tirer au sort parmi ceux qui auront tweeté ou retweeté. Tweeter avec ce hashtag Mickaël. Il vous reste encore de 5 minutes d'ailleurs. Mickaël vous offre FIFA 17 sur Énergie. Alors Christophe de Marseille, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. T'as pas de problème de drogue, d'un mec qui est chez toi? Non, ça va, pas de problème? Non, tranquille, je suis à la maison. Tranquille. Gilbert va bien. Gilbert va bien. Gilbert va très bien. Bon, ça marche. Alors, raconte un petit peu Christophe, qu'est-ce qui t'amène? C'était par rapport aux personnes à qui on a rendu service. Ah oui, c'est vrai qu'on en parlait depuis le début de l'émission là. Et donc, pour l'instant, vous avez remarqué que quasiment tous les auditeurs qui sont passés en disant voilà, j'ai rendu service, l'ont toujours regretté, hein. Parce que exactement. Ils sont fait escroquer, etc. Polo n'arrête pas de le dire. Eh oui. Mais tu sais qu'un des les deux types, et c'est vrai, c'est pas pour faire parce qu'ils sont là, les deux types qui m'ont plus rendu service, c'est Mickaël et Toff. C'est vrai. Non, sérieux. Et on regrette, hein. Ouais, mais en plus, mais moi j'essaie de le virer plusieurs fois, mais il revient à chaque fois. C'est ça. Parce que je rappelle que Polo, Toff, t'as viré combien de fois? Deux fois en un mois. C'est une blague. Le même mois. J'étais viré par. Alors, en fait, fait virer par Toff. Je peux raconter ou pas? Oui, je m'en fous. En fait, à l'époque, je travaillais pour une société de production qui était dirigée par Christophe. Par Toff. Et il était le PDG, quoi. Non, mais déjà, ça, on dirait une blague, mais. Mais non, mais c'est pas une blague. Et en fait, on était liés à Énergie. Et en fait, en un mois, je me suis fait virer par Toff et par Énergie. Voilà. Elle est dehors, mec. Les deux d'un. T'imagines la pression que j'ai? Après, mais tu vois, comme. Ouais, mais tu vois, c'est. Et comme les araignées, les insectes et les mauvaises herbes, il revient. Oui. Je te remercie pour la. Comme les cafards. Il revient, tu vois. Énergie la tège, mais il est revenu. Bah, ça a mis du temps, hein. Bah, ouais. Tu sais, c'est. Bah, attends, mais. C'était Toff. Et bah oui, c'est pareil, hein. Tu sais, c'est. Voilà, t'as une belle plante, tu l'arroses, tu mets de l'engrais, elle crève, et voilà. T'as de la merde, t'arraches la mauvaise herbe, elle revient. Oui, c'est ça. Je remercie pour la mauvaise herbe et la merde. Ah, toujours. La mauvaise herbe, elle repousse toujours, Mika. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bon, alors raconte un petit peu, Christophe. Alors, c'est tout simple, hein. Moi, j'avais un pote qui habitait loin de chez moi, qui avait trouvé un poste. Un poste de travail à côté de chez moi, donc j'ai proposé de l'héberger. Ouais. Gentiment, tu vois. Alors maintenant, tu vas pas l'insulter. Rentre là-dedans, chien. Non, c'est sûr. Mais au final, comme moi, j'avais un poste de nuit à cette époque-là, il s'est amusé à se taper ma femme. Ouais, Que je n'étais pas là. Alors, il a quand même eu du respect, il a attendu que tu sois pas là. C'est une blague. Oui, voilà. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr. Au final, si on regarde, elle s'est barrée avec. Oh là, mais qu'est-ce que t'as été bête sur le coup. Désolé, hein, mais c'est. Voilà. Mais t'inquiète, elle était gentille. T'inquiète pas, si elle t'a trompé avec lui, elle va le retromper aussi. Hein. Non, mais t'inquiète, elle le regrette déjà parce que bon, si on veut aller plus loin dans l'histoire. Moi, au final, je me suis viré de chez moi parce que bon, c'était chez elle, quoi. C'était son terrain. On avait fait construire une maison, c'était son terrain. Bon, on avait un enfant ensemble. Ah oui, donc en fait, c'était son terrain. T'as fait construire une maison sur son terrain, donc c'est sa maison. Exactement. Et donc, tu t'es bien fait niquer, quoi. Oh là là. Je me suis fait bien niquer à. Ouais, au final, oui, je me suis bien fait niquer. Putain, moi, je fais comme dans le film La Guerre des Roses où je coupe la maison en deux. Ah, j'adore ce film. Alors là, je peux te dire que si j'ai pas ma part, je peux te dire que personne n'aura la part. Ah, mais ouais, mais personne n'aura la mienne. Alors là, mec, je la coupe en deux. Ah ouais, ouais, j'en ai rien à foutre. Avec la tronçonneuse. Et je coupe plus, j'en ai rien à foutre. Ils ont fait une maison comme ça il y a pas longtemps aux États-Unis. Une maison spéciale divorce. En fait, tu l'achètes quand t'es marié. Mais en fait, si jamais il y a, y a une merde, ouais, elle se sépare en deux. Ça. Putain, c'est cool. Et, t'as, et c'est ça, comme ça, tu peux mettre un mur. Ouais, c'est ça. Bon, tu dois toujours la voir aller dans l'allée, mais au moins, tu la supportes plus à l'intérieur. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, vas-y, continue la suite alors, c'est quoi? Mais au final, bon, ben moi je me suis fait virer de chez moi, quoi. Bah oui. Parce que c'était chez elle. De chez elle, hein. Oui. Ouais, voilà. Et ben finalement, la roue elle tourne, tu vois, parce que bon, lui il est retourné avec avec sa gondesse, hein, et que elle s'est fait faire un enfant, il a pas voulu la reconnaître. Oh là là, donc, voilà. Oh là là là là là là là là. Ah oui, effectivement. Mais t'habites où dans le ah Marseille, ça m'étonne pas. Bah pourquoi oh, non, elle est pas en fait tant non, c'est tough, tant que t'es pas de Paris à Tramuros, t'es d'office un cassos, hein. Et encore, ça dépend des arrondissements. Attention, je n'ai jamais utilisé ce terme-là. Ouais, quasi, j'ai pas dit que c'était un cassos. Non, non, mais bon, façon de parler quoi. De suite les clichés, c'est encore tough ça. Bah, non, évidemment, oui, bah, évidemment. T'as tout compris, mec. voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais bah, c'est ouais. Un connard, de toute façon. Bon, du coup, tu jubiles quoi, parce que t'as eu ta vengeance en fin de compte. Ah, bah, en fin de compte, oui. Voilà. Eh ben très bien. Eh ben écoute, on est content que t'aies eu cette vengeance finalement. Tout comme moi, j'ai été vengé également par le physique du gars qui s'est complètement détérioré. Ah oui. Et qui s'est retrouvé à ressembler à un sac à merde, un mec qui me devait de l'argent. Bref. C'est cher qui... payé quand même pour 150 balles. Ouais, mais, non, mais franchement, il avait fait d'autres sales coups aussi. Hein. Comme mais, quoi, la roue elle tourne. Hein. Mais résultat, exactement. Non, mais résultat, ne jamais aider les gens. Mais arrête, mais non, pas dire ça. Mais tu le mec, il l'héberge chez lui, il a qu'à aller à l'hôtel. Il a sûrement pas d'oseille, sinon il serait allé. C'est son problème, l'autre il a baisé sa meuf, c'est normal. Non, mais il baisse sa meuf, il prend l'appart, il prend la maison, il baise la meuf. L'autre il se retrouve dans la merde. Il prend son slip. Il fait un enfant, il met ses slips. Il bouffe dans la gamelle du chien et toi tu trouves ça normal. C'est un mais pauvre non. Chien quoi. Le, exactement, Polo a raison. Merci, ça voilà. Merci. Et ça m'a servi de leçon. Eh ben tant mieux au moins. Bon, merci en tout cas Christophe, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Ça te fait un petit dédicace. Vas-y. À Gilbert. Une dédicace à tous les... Non, pas à Gilbert, non. À qui? Une dédicace à tous les routiers de la night. Ok. Et surtout au transport Olano, Viva et Provence. Très voilà. Bien. Eh ben, message passé. Et à Erwan, s'il m'écoute. Hein. Ça roule. Salut à toi. À bientôt. Et on embrasse tout le monde à Marseille, évidemment. Bon, tirage au sort. Alors, Amina, qui a gagné? On va le... Bah, tu peux tweeter, du coup, le nom du gagnant, là. D'accord, bah, je vais lui écrire, alors. Bah, vas-y, qui c'est? Cher, d'accord, il s'appelle Saïd. Saïd-18DEC96. Ouais. Tu peux pas choisir un pseudo encore plus chiant. Ah bah j'y peux rien, c'est tirage au sort. Moi j'ai fait défiler le truc, c'est tombé sur lui. D'accord, donc Saïd-18-14DVWX en minuscule, Y en majuscule, Saïd de nouveau. C'est ça, c'est lui qui a gagné. Voilà, c'est ça. Bravo, bah super. Bah FIFA 17 pour toi, envoie-moi un message privé sur Twitter, comme ça je peux te prendre tes coordonnées pour t'envoyer FIFA 17. Bravo à toi en tout cas et bravo à tous ceux qui ont joué. Rassurez-vous, on met le couvert. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Il devait y avoir Martin Garrix là et tout, partout en couille. C'est Gilbert. Ça doit être Gilbert. Non, mais à mon avis, ouais, je pense qu'on. Il a trollé la table. On est en train de se. Ouais, je pense, ouais. Bon, allez, hop, c'est parti. Attendez, on va essayer de remettre Martin Garrix là pour essayer. Non, ça veut pas. D'accord, ok. Alors, attendez, si j'essaye ça, normalement, ça devrait. Ah, ben voilà. Tranquille. Ça, c'est quand je laisse la table de mixage à Tof. Ah oui. Tu peux t'assurer que ça part en couille. C'est fou. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you. Tout le monde, 2h55, c'est l'heure du polo show. C'est parti. En plus, c'est moi mon standard, ouais, les potards. Ce soir, comme c'est la Saint-Michel, c'est ta moi gueule, qui anime. Il n'y a pas de Saint-Michel. Et c'est imbécile. Polo qui va faire rien. Ferme ta gueule. Un chien. Je sais pas faire. 01 40 71 5000. De toute façon, tu sais rien faire, c'est pour animer non plus. Ferme alors. Ta gueule. C'est la Saint-Michel, hashtag Ferme Michel. Ce putain de micro, tocard, va. Tu devrais aller prendre des cours. Bah, si tu savais faire l'arrière, tu vas pouvoir le couper. Et moi je suis ta mère. Sainte Miche-Piche. Eh bah t'as une bonne idée. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire comme tout le monde. Je vais faire ma propre réa bientôt. 01 40 71 5000. Michel à la réal. Tocard des tocards, ouais. Le chien de la cave. On s'en branle de ta fête. Sur le Twitter d'émission, n'hésitez pas à balancer vos messages et tout, hein. Bientôt compte certifié. Ok, Christophe et le tocard sont au standard. Appelez-les au 01 40 71 5000. Je tiens à annoncer que s'il y a des sociétés de transport qui veulent sponsoriser le polo show, n'hésitez pas, parce qu'apparemment on passe notre temps à faire de la pub pour DPD, mais tout ça, tout est... Ah non, c'est homophobe. Ah oui, c'est vrai, pardon. Donc n'hésitez pas, hein, c'est un petit chèque, je prends, et puis on fera, vous serez des sponsors du polo show. Joujou. Bernard ou Joujou, je sais pas quoi, là. Joujou de Bernard, je sais pas ce que ça veut dire, là. Ah, c'est Joujou Bernard, déjà. Ouais, bah oui, mais les gogoles, ils écrivent Joujou. Oh, mène-toi, j'ai pas le temps. Ben ouais, c'est le gars du standard. Il fait vas-y, on s'en quoi, fout là. Du standard, mène-toi là. Non, c'est Jojo Bernard. Dégage, Starguest. Ouais. Bon, moi, comme d'habitude, on est là, on prend la mère à Michel en le bas. C'est la mère de votre amuse, votre sale amuse. Ben, je t'emmerde, fils de pute, avec tes jingles de merde. Moi, je... Dali, on t'écoute, 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le polo show. Dali, ouais, on t'écoute. Bonsoir. Polo, bonsoir. Il y a moyen d'avoir le numéro de Marie, s'il non, te plaît? Non, par contre, il y a moyen que tu achètes un nouveau téléphone, Dali? Ouais, pour lui parler de littérature, s'il te plaît, gros. D'accord, je te le donne, là. Je vais te le donner tout à l'heure. Dégage. Guillaume, on y va. 08-99. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur cette musique? Mais il t'a mis en attente, Polo. Il en a rien à foutre de ta gueule. D'accord, Guillaume, fous-moi le camp d'ici. David, 01-40-71-5000. Oui, je voulais savoir si on peut donner encore un coup de pelle à Toff. Bah ouais, on peut, voilà. Sébastien, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ah, mais ah non, activité, là, ah non, pas, non, là. Non, ah non, c'est pas. Excuse-moi, c'est Sébusien. Ah, c'est de Mich-Mich aujourd'hui, hein, hashtag Mich-Mich sur Twitter. Ta gueule, toi, Sébusien. Ouais. Tu t'appelles Sébusien. Michel. Tu t'appelles ouais, Sébusien. Non, c'est un pseudo. Non, c'est un pseudo. Eh bah, tu rappelles avec un vrai prénom, dégage. Antoine. Ouais, vous voulez la meilleure blague du soir, là. Ah bah oui. Ah bah oui, Antoine. Ah bah, maintenant, sur Twitter, Starguest, il lance l'hashtag Team Starguest. Une blague. J'en sais rien, Antoine, j'en sais rien. Tu crois qu'il y a une team derrière lui? Ah bah apparemment, ouais. Bah oui, mais quand on clique dessus, il y a que lui qui met des tweets avec ce hashtag-là. Thomas, on t'écoute, 01 40 71 5000, on y va. Ouais, salut Polo, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'entends? Non, je t'entends pas, non. Wesh, bro, en fait, là, tout à l'heure, je voulais juste m'excuser, mon frère. Je suis pas ton bro, je suis pas ton frère. Hey, Gilbert, dédicace au 18-25, mon frère. T'es content? T'es content? non, mais c'est jamais, en fait. On s'en branle de ce que tu dis, tu vois, parce qu'en fait, moi, j'ai un petit bouton, là, et j'appuie dessus. T'es sérieux, là? Voilà, ouais, je suis très sérieux, je fais ce que Amina, je veux, dégage d'ici. Thomas, tu es un imbécile, dégage. Joseph! Ouais, vous savez comment Ruquier retire sa capote? Non, ça, je veux pas le savoir. Je m'en fous en fait de Ruquier et de sa capote. Joseph? Ouais. Je m'en fous. Ah. Alors dégage. Mercedes? Ouais! Oh, c'est de non, c'est nul, Ben! Dis Mercedes! Bon, qu'est-ce que tu veux au lieu de faire de la promo pour des boires de voiture là? Non, c'est juste pour dire que je me suis fait enculer par un chat et dédicace. Oh, dégage, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, mais ils sont bêtes. Ça y est, ils se branlent là, la team, je sais pas quoi là, sur leur forum. Vous êtes des imbéciles. Antoine? Oui, alors, Stargaz, en plus, il a mis un tweet. Il a mis, je cite: vous avez demandé un genre de personne complètement tarée et absolument sans pitié? Eh bien, les amis, ils seront là à 2h45 chez hashtag Mickaël. Kevin, on t'écoute. 0140-115-5000, vous êtes dans le polo show. Kevin? Tu t'appelles peut-être pas Kevin, Stéphane? Jean-Louis? Gilbert? Kevin? Bon, pas de Kevin. Starguest, on y va. Ouais, bon, il a quoi là, Antoine? Là, il a plus de blagues à faire, donc il s'acharne sur Starguest, c'est ça? Non, il s'acharne. Non, il s'acharne pas sur toi. Il est en train de... Le mec est tellement intéressé par moi, il est tellement fasciné par moi que le mec va lire mes tweets, mais à un moment donné ça t'intéresse pas. C'est bien mec, Stargaz, sois content, il y a quelqu'un qui suit dans ta team, il fait peut-être partie de ta team. Il est là, il lance des vannes en direct, mais moi je l'encule sa mère, gros. Je lui fais un deuxième trou de bras là, ta mère, fils de pute, continue à faire tes blagues. Bravo Stargaz, c'est très poétique. Le pilote. Putain, c'est pas possible d'être aussi con, les gars. Si vous trouvez des pseudos, répondez aux pseudos. Le pilote. Ah pardon, oui, allô. T'es pas un pilote, toi, t'es un tocard, toi. Bon, dégage. Antoine, on y va. Mais il recommence avec ses périscopes, hein, Stinguette. Il y a deux jours, en direct du polo show chez Mickaël. Bon, attends, il y a trois personnes qui ont aimé ça. Bon, c'est super. T'as une blague, Antoine, ou pas? Oui, j'ai des blagues. Bah, alors, vas-y, ma gueule. Il y a de la faire, là. Non, je t'en fais un mieux. Pourquoi les lépreux échouent-ils à leur examen de conduite? Je sais pas. Parce qu'ils laissent le pied sur l'accélérateur. Dim, on t'écoute. Ouais, Dim. Polo. Ouais, Polo. Tu sais pourquoi les spermatozoïdes sont en forme de tétard? Non. Parce que les grenouilles, c'est trop dur à avaler. Ouais, c'est pas très drôle, Dim. C'est pas fin, quoi, tu vois. Ah, oh, c'est pas mal. C'est bourrin, quoi. C'est routier, quoi, tu vois. C'est bistrot. Ah bah ça tombe bien. T'es routier, toi. Ouais, et puis juste un petit message pour Eric, un collègue qui m'a enculé. Je me suis fait virer à cause de lui. Donc, bah, je l'encule. D'accord, bah, c'est beau. Bravo, la grande famille de la conduite de nuit. Samuel. Ouais, frère, ça va ou quoi? Je suis pas ton frère, mec. Dégage d'ici. Christophe. Ouais, salut, Polo. Comment vas-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et le gros michto, là, il dort encore, lui, ou quoi? Mais je sais pas, michto, il a disparu de la circulation. Il y a ouais, mais si, depuis qu'il a eu sa montre connectée, là, ouais. On l'entend plus, il est mort. Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux, fait sa vie, hein, on va pas lui courir après. Hein. Là-dessus, bah, je fais un gros big up au frigo, puis bah, les pulls à pisse, bah, ils dorment, bien sûr, normal, quoi. Voilà, merci Christophe. Ouais, Polo, ça va, mon frère? Je suis pas ton frère. Eh, oubliez pas que Jackie s'est mise sur Twitter, n'hésitez pas à rejoindre son Twitter si vous voulez vous marrer. La bouliche. Ouais, Polo. Un petit big up à Momo qui commence les betteraves, je pense à lui. Et à Mercos qui attend sur le chantier comme t'es un cochon. T'es sur un forum là, toi aussi, tu places des mots? Bah non, pourquoi? Il fait de la betterave, quoi. Ah, il ramasse des betteraves. Ouais, d'accord. Il ramasse des betteraves, le Momo. Et une petite pensée à Mercos qui est sur le chantier qui attend. Et puis, bah, vive les béneux. Ok, n'oubliez pas aussi Polo sur Énergie sur Twitter, c'est moi, n'hésitez pas à y aller. Antoine. Hashtag. Ah, il fait sa promo maintenant. Ta gueule, toi. Hashtag Mich, venez, hein. Ouais, y a personne. Antoine, vas-y. Pourquoi les écolos aiment-ils les lépreux? Je sais pas. Ils sont biodégradables. Olivier, on y va. Ouais, salut, c'est Olivier de l'XPO. Dis, c'est quoi cette. Dégage, Starguest. Ouais. J'ai la même que votre abus, c'est sale. Votre sale abus. Oh, ta gueule, toi. En parlant de périple, j'ai trouvé un nouveau concept. En fait, je vais faire un live périscope en direct du trou de, du fion, en fait. Du trou de balle à la mer, Antoine. Ça va être intéressant. C'est voilà, violent. Pour visiter la décoration d'intérieur. Ouais, c'est violent pour rien, Starguest. Tu devrais pas. En ouais, fait, non. Je vais t'enseigner un truc, Starguest. Essaye de, dans la vie de ne pas t'occuper des autres. Parce que sinon, tu vas mal finir. Tu vas finir la nuit dans la radio. Ouais, moi, je m'occupe de moi, hein, tranquille. Bah, voilà. Je fais juste, tu vois. Je visite des trous de balles des mers, tu vois, c'est comme ça, quoi. Pas mal, Starguest. Bernard. Eh, hey, Polo, pourquoi tu m'as raccrochonné tout à l'heure? Je sais plus. Ah, et Starguest, va te faire enculer par un éléphant, hein. Arrête de te plaindre tout le temps, là, putain. D'accord, Bernard, c'est peut-être pour ça que je t'ai raccroché au nez. Jean-Luc. Ouais, salut, Polo. Ouais. Tu sais comment tu fais un steak haché facilement? Non. Tu donnes une guitare à l'épreuve. Oh là là là, c'est bon, laissez-les tranquilles, ces pauvres lépreux là. Antoine, t'as lancé un mode là. Bah oui, je vois ça. Bon, vas-y. Non, mais attends, j'ai un truc à dire. Ah oui, oui. Starguest, il aurait pu faire un petit concours là. J'en ai signé un autographe pour ses fans. Team Starguest. Comme ça, ça lui coûte pas cher à envoyer les trucs vu qu'il n'y a plus dans sa team. De quoi? J'ai pas entendu. Il n'y a plus dans sa team, donc ça va pas lui coûter cher pour envoyer l'autographe. Hein. Ouais, bah oui, c'est déjà pas mal. Ah là là là là là là. Starguest, au retour. Oh là là, mais il est con ce mec ou il fait exprès? Je sais pas. Demande-lui. Ce mec est con, mais pourquoi il continue pas à faire? Pourquoi il me casse les couilles, en fait? Mais pourquoi il continue pas à faire ses blagues sur les lépreux? Laisse-moi tranquille, arrête de me sucer la bite, fils de pute. T'es un peu aigu là, t'es dans les aigus là. Christian, on t'écoute. Christian! Dégage, Starguest, conclusion. Starguest, ouais, conclusion, se barre. Ouais, conclusion. Moi, je prends la mère à Michel et je le prends, je lui fais claquer ses fesses à cette salope. D'accord. Antoine, conclusion, se barre, on ferme la boutique. Ouais, en plus, Starguest, il a mis Starguest officiel sur son Twitter. Comme si il y avait des gens pas officiels, tu vois. Ah non, c'est abusé. Bon, à demain, Antoine. Ouais, à demain. Ciao, Sébastien. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un souci, j'ai mes couilles qui grattent. Bah, gratte-toi. Ouais, et un big up à Antoine Guy, la grande saucisse de la Steppe Lille à Carvin. Message est passé, Starguest. Ouais, je lâche un petit big up Antoine à sa mère la pute. Ouais. Voilà. Que j'ai baisé, que je prends le vrai. Oui, que veux-tu? Ils sont canadiens. Ça fait cool. On t'entend, ouais, Starguest, non, vas-y. Ferme ta main. Te sucer, toi, l'enculé. T'aimes tellement ça te fait enculer. Et toi, ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. C'est vrai. Jésus Christophe. Allez, voilà, passez une bonne nuit tout le monde. On est sur Énergie, c'est Mickaël. On est là chez 4h du mat. Et on s'écoute le son d'Alex Ayono maintenant. Vous allez voir, c'est une grosse tuerie ça. On se fera un petit canular aussi tout à l'heure. Et les appels mal intentionnés, c'est dans moins de 30 minutes sur Énergie. 3h06, au cœur de la nuit sans pub. Bonne nuit. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. It's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray. And that's why I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't